parce que je le connaissais. Grâce à la télé, grâce à la HD, j'ai découvert un truc que j'ai pas acheté. Je la suis comme si j'étais son ombre. Mon téléphone n'a plus de réseau, on se perd et peut-être qu'on a raison. Ah, je ne vois plus la maison. Attends là, je ne vois plus la maison. Hey. Je ne perds pas l'heure, je promets. Je commence à y prendre goût, oh ouais. On ne voit personne, on est partout. Sous la terre, sous le soleil. À part ça, je ne sais pas pourquoi elle emmène un mec comme moi. Mais ça me plaît quand elle me fait voyager. Bonjour tout le monde, tout à l'heure il y aura le retour de Daniel du 118 Fight. Moi je suis pas bourré moi. Bah non Daniel, on le sait bien. Bah donne ton nom, j'ai une grand-mère, mais son nom est papier. Ouais, Moi c'est Coé. Allez, va te faire foutre. D'accord, donc on s'en occupera tout à l'heure, c'est la main sur le clavier, on appellera des gens en direct. On fera du 118 parce que le 118 ils sont bien, ils n'ont pas le droit de raccrocher. C'est vrai. Si ils ont sauf à un moment ils te disent n'inquiétez pas, je vous passe mon superviseur. Voilà. Voilà. Et donc, au moment du superviseur. Mais je crois qu'il faut faire le 118 712 qui sont encore mieux. Oui. Parce que le 718-218, je sais pas où ils ont mis leur ligne téléphonique, mais à mon avis, dans un autre pays lointain. Ouais, fais des tests chez toi. Fais des tests. Fais des tests chez toi, t'as raison. Ça c'est disque. C'est la tranche disque. Allez bien. Désolé. Allez. C'est ce qui arrive après ? Oui. En plus, d'accord. Bah, c'est bien. Vous avez entendu ce qui arrivera après. Ce qu'on appelle un teasing. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on fait une nouvelle forme de radio. On fait des pré-écoutes. On écoute tout avant. C'était subliminal. C'est ça. Mais entre nous, c'est rapide. C'est un jour un réa continue. Ça va ? Ça va et toi ? Tiens, tiens bon. Hein. Non, ça change demain, les gars. Ça change demain ? Oui, ça change demain. On a qui ? D'accord. Tu vois, une erreur. Bon. Mais t'as vu comment on est dans cette équipe. Une donc erreur. C'est validé tout de suite. C'est qui demain alors ? Je crois que c'est pas toi demain, si ? Non. Ah bon, j'ai eu peur qu'ils soient pas au courant. On s'en oeil pendant deux secondes. C'est Jimmy, je crois, non ? Jimmy, ouais. Jusqu'à la fin de la semaine. Non, parce que la dernière fois que quelqu'un a dit ça au mec d'Energie 12 à Martial, il lui a dit c'est pas toi demain, c'était vrai. Hein. Ouais. C'était plus lui le lendemain, c'était. C'est vrai. Ça doit faire bizarre, ça. Hein ? Ça doit faire bizarre. C'est dur, non ? C'est vrai que quand on rentre, on dit c'est pas toi demain, oh merde. Ah ouais, que ta carte, elle passe plus et tout, ta voiture, elle rentre plus dans le parking. Comment tu peux faire ça du jour au lendemain ? Oh Julie, c'est le monde de la télé. C'est le monde de la radio, c'est comme ça, on va pas t'envoyer une fanfare pour te dire hé, on va s'arrêter demain, on va s'arrêter. Non, ça marche pas. Quand ça marche pas, ça s'arrête, c'est tout. À l'américaine. Marchera pas mieux avec la dame, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est tout. Que ça marche pas, ça marche pas. Mais à coup pas. Souf sera notre invité dans quelques jours, joli. Et aujourd'hui, on se fait une émission. Alors, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on se fait une émission de mécheux. Hein. Aujourd'hui, c'est la branchitude. Aujourd'hui, c'est CFG. Hein. Ici, attention, on aura d'un côté Naïf du Beaters. J'adore ce morceau. Voilà. Ouais, et on aura Alan Walker. J'adore aussi. Autant vous dire que si vous êtes kinvé, ça va pas être votre cam. Hein. Mais si vous voulez découvrir autre chose, mais c'est bien. Faut s'ouvrir. Vous n'avez pas le choix, vous allez vous ouvrir. Ce soir, vous êtes des huîtres. Ce soir, nous allons vous ouvrir, coquinette d'huîtres. Il y aura Zara Larsson qui vient jeudi. Tiens, pour s'ouvrir aussi. Ça mérite un bateau. Non, je n'ai pas encore parlé. Si elle pouvait sourire à la culture, à la France. Rattrape le truc. Vous voyez le mal partout et ça, ça commence à être moche. On n'est pas bien avec nos bâtons là. Rappelons ce que cette histoire de bâton. Nous avons mis en place hier un tableau, le public peut le voir, c'est le tableau des bâtons. C'est-à-dire à chaque vanne de trop. La misogynie. Non, c'est pas misogyne. Ah bah. C'est pas des vannes misogynes. Je suis désolé, on ne fait pas de vannes misogynes. Non, mais c'est vannes sur les filles. La vanne. Eh bien, il y a un bâton. Dès qu'il y a une vanne sur les filles, il y a un bâton. C'est voilà. Ça. Au bout de 10 bâtons, c'est le premier qui arrive à 10 bâtons fait l'émission lendemain en fille. On peut faire un compte là des bâtons parce que on est pas loin des 10. Parce qu'hier vous avez été un peu. Je voudrais quand même dire, j'ai été très sympa hier. Vous avez été un peu salaud parce que des fois vous en avez distribué deux par deux. Ouais. T'étais le premier à en réclamer deux. J'en ai eu quatre d'un coup. Guéguette, combien il en a alors? On est quatre. Ton micro, espèce d'amateur. Oh là là. On a réétudié. Allume son micro, espèce d'amateur. Oh là là. On a réétudié. Voilà, on a réécouté les piges, etc. Et on est à 4 pour Guéguette, 8 pour Pietre et 8 pour toi, Koé. Ouf. Oh putain, c'est chaud. Oh les gars, c'est ça. Mais en émission, on a 8. C'est mort aujourd'hui. Je fais plus une vanne. Je vous préviens, aujourd'hui, cette émission, c'est Science et Vie. C'est Michel Simès, les hémorroïdes et tout. Mais non, mais t'es pas obligé. Tu peux faire aussi une émission avec que des compliments. T'es encore malade ou quoi, toi? Je suis encore malade, c'est horrible. J'en peux plus. Mais c'est quoi cette équipe là? Je sais pas, mais toi, t'es malade. Je m'en sors pas, ça fait 2 semaines que j'ai une angine. Ça fait 2 ans. Ah, ça fait un cancer, vérifie à ce niveau-là. Elle ne part pas, quoi, c'est abusé. Je n'ai pas dormi de la nuit, je pouvais pas avaler. T'as des ganglions? Ce qui est quand même un problème. Oui, c'est un gros problème pour moi. Non, mais vraiment, j'ai des ganglions. Ne voyez pas le mal partout. Enfin, arrêtez. Pierre, ça va toi? Bah écoute, c'est moi qui ai l'hygiène de vie la moins fiable dans cette équipe et je suis jamais malade. La seule différence, c'est que toi, le jour où t'auras un truc, ce sera très grave. Ah oui. Guéguette, comment ça va les fesses? Bah pour le coup, ça va. Mieux? Les fesses, ça va mieux. Ah, on est content. Le reste de l'équipe va bien, Stouff au standard. Mika, comment ça va vous? Tout va bien. Ça va bien, vous êtes ouais, en forme? Ça va, bon, ça me fait plaisir. Et toi, ça va mieux? Ouais, ça y est. Ça y est, toi, t'es. Mais présente-moi ton médecin, quoi. Mais parce je suis pas un médecin, journée, c'est que je suis un druide. Moi, je prends des bons trucs dès le début et je prends le premier jour. Je suis malade un jour et le reste, c'est fini. Voilà, c'est tout. Mais c'est une force physique, ça. Ouais, je vois ça, la nature. Et vendredi, One Man dans le Nord. Et samedi, Mix à Sainte. Et lundi, deux. Je tourne les œufs ou la poule. La foule la poule. Lundi, on en fait deux. J'enchaîne. Je vais être bien lundi soir. Je vais être comme ça. Je vous préviens, lundi à la fin, je ne veux pas être bien pendant l'émission de lundi. Si tu les dis au pluriel, tu dis les œufs ou la poule. Non, l'œuf ou la poule. Quand j'en fais deux, c'est les œufs ou les poules. Chaque émission sera l'œuf ou la poule, mais comme il y en a plusieurs, c'est des œufs ou les poules. On les tourne là et vous aurez les dates de diffusion bientôt et vous allez kiffer parce qu'on est en train de préparer un truc vachement bien. Vous allez adorer cette histoire. Bon, on aura tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aura du 118, le village le moins pollué de France? On vous le présentera tout à l'heure. Ouais. On aura. Ah bah tiens, on va savoir comment s'est passée ta journée. Oui. Parce que Julie, on n'a pas besoin de lui demander, on a compris. Mal. Ouais. Ouais. Mais c'est le moment de poser des questions. Jane, comment s'est passée ta journée? Tous les jours, on prend des nouvelles de nos auditeurs et de nos auditrices. On a envie de savoir. Comment ça va, Jane? Salut, comment ça va? Hello, Jane. Do you have an accent? Where do you come from? Mais en fait, tu me demandes comment s'est passée ma journée, mais en fait, elle n'a pas vraiment commencé, tu sais? Oui, d'accord, bien sûr. Eh oui. Quoi? Tu t'es pas levée de la journée? Non, en fait, je me suis juste réveillée pour te dire un petit bonjour à ton équipe et à toi. Et voilà, parce que je vous trouve super et je vous adore. Attends. Tu habites où, Jane? Et voilà, quoi. En fait, il est 3h du matin et j'habite dans l'état du Queensland, en Australie. Wow. Qu'est-ce que c'est loin! Mais qu'est-ce que c'est loin, le truc du Queensland en Australie? C'est quoi ça? Comment on peut atterrir là-bas, déjà? Une erreur, c'est un avion qui s'est crashé, t'es une survivante. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Oui, non, mais en fait, c'est pas si loin que ça, quand même. Bien sûr. Vous savez ce qu'on m'a proposé hier? On m'a proposé d'aller faire un mix au mois de décembre, pendant qu'on est encore... d'aller mixer à Tahiti. Oh, génial. Allez, on m'a dit, vas-y, un samedi soir au mois de décembre. Tu fais l'aller-retour dans la nuit. T'es où, toi? Il faut au moins une semaine le temps de t'en remettre et tout. Ouais. Tu fais ça pendant les vacances? Mais je ne peux pas, c'était une date bien précise, j'ai été obligé de dire non. Oh là là. Dommage. Oui, qu'est-ce que vous voulez, je préfère aller... À Sainte. Charente-Maritime. Eh oui, je suis moins fou. Il y a moins de jet lag. T'arrives, t'es mieux. T'arrives, c'est moins compliqué, tu peux le faire en une soirée. Bon, alors, et tu fais quoi dans la vie là-bas? Tu fais quoi là-bas? En fait, je suis prof de français. Oh, ils sont sympas les Australiens? Ah ouais, ils sont super, tu vois, ils sont géniaux. Ouais. Moi, j'enseigne le collège et lycée, en fait, les grands. Et c'est super challenging parce que les sujets sont super difficiles, mais ouais. On est les meilleurs dans la Sunshine Coast parce qu'on gagne toutes les médailles d'or, d'argent quand on fait des compétitions. Dans la French and Co. C'est quoi la French and Co? On ne sait pas, mais c'est les meilleurs. De la French and Co. C'est les meilleurs, exactement. Mais c'est quoi en français? C'est la French and Co. Pardon? C'est quoi la French and Co? Je ne saurais pas, je ne cherche pas. La Sunshine Co. Ah, la Sunshine. Yes, Sunshine Co. C'est là que je vis. Yeah. D'accord, yeah. Tu as rien compris. Alors, je te fais un gros bisou, Jane, et bisous à la Sunshine Coast aussi, et tous les Australiens de Disney. Tout le monde. Super plaisir de t'entendre. Et bah, viens nous voir quand tu veux, tu prends le train, c'est direct. Ouais. D'accord. C'est une carte à 275 zones. On a pour 4 jours. T'as 700 changements, mais ça devrait aller. Bisous, ma chérie, à bientôt. Il y a plein de changements. Bisous, ciao. T'embrasse, bye. Bisous, Jane de l'Australie. Oh, serait-ce le morceau que t'as après écouté Viola Maria 2 minutes. C'est bien ça. Mais ça me fait plaisir qu'on l'écoute enfin. C'est Martin Garrix. Oui. Martin Garrix. Allez, reste avec ton aura Sophie dans 2 minutes qui sera en ligne. Ça va, Sophie? Bonjour. Bonjour, Sophie. Juste après, on aura un 118 fight avec Daniel qui sera là. T'es où, Daniel? À Paris. Ah, d'accord. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Ah, j'ai pas allumé mon micro. Bonjour. Ça va vous? Ça va le public? Vous me faites flipper. C'est quoi ça? Ouais. Mais répondez-moi normalement. Faites un truc péchu, pas un truc genre ouais. S'y attendez pas. Bah oui, bah enfin s'y attendez pas. Ça va le public? Je parle pas au mur. Ça va le public? Ouais. Voilà, ça c'est un public de bien. Ça, c'est un public. T'as pas chaud avec ton pull, toi? Non, qu'est-ce que c'est que ce pull cheminée? Elle a pas de cou. On dirait Fétide de la famille. Mais elle a pas de cou. Elle est comme ça. Son truc il lui prend tout le coup. Salut. Bon, le micro, vous n'y arriverez jamais à allumer ce micro, en fait, définitivement. On va parler dans les mains, comme ça. Pas plus mal qu'on change de main, en fait. Hein, c'est comment? Ça va? T'as froid, ma chérie? Elle peut même plus parler, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ah, il marche pas le micro. Ah mais c'est le micro qui marche plus, les gars, bon, je pense. Allez, pas grave. Sophie, comment ça va? Bonjour tout le monde. T'es en forme, Sophie? Est-ce que tu sais que tout à l'heure tu vas découvrir Alan Walker? Si vous ne savez pas qui est Alan Walker, écoutez-nous, il sera là tout à l'heure. C'est lui qui fait ce morceau là. Ouais. Mais c'est pas lui qui chante, il est une chanteuse. Non, il chante pas, il est DJ compositeur. Voilà. Mais c'est un Walker. Alors, donc tu m'as envoyé un mail, ma chérie, tu me dis coucou, coucou, et comment ça va? J'espère que t'es plus malade. Non, moi ça va. C'est Julie qui est maintenant qui a pris le flambeau de la maladie. Voilà, plus la demoiselle au premier rang qui, avec son gros pull, est en train de se dire effectivement, coup, j'ai un peu tout. Chaud. Ouais. Parce qu'elle vient de l'ouvrir là en mode. Ouais. Ah, si, t'as chaud, t'oses pas me le dire, mais t'as chaud. Il retourne encore avec le micro qui marchera toujours pas. Si, si, on a chaud. Mais ça va être en sorte qu'il marche pas, je vous en supplie. Oui? Ah, si. On a bien fait de le réparer pour entendre ce bruit. Ah, on a bien fait. Mais pourquoi t'as mis ce gros pull? Mais parce que j'ai froid. Il fait froid. T'as quoi en dessous? Rien. Ah, c'est ça, oui. Mais t'aurais dû mettre un truc entre les deux. Bon, bienvenue, c'est quoi ton prénom? Maëva. Bienvenue chez nous, jolie Maëva. Donc, par mail, Sophie nous dit: j'espère que t'es plus malade. J'en peux plus de mes parents, on est en 2016. Et ils refusent d'acheter l'équipe, je vous laisse réfléchir. Ah, est-ce qu'ils refusent d'acheter l'équipe? Non. Un téléphone, ouais. Non. La télé? Non. Un ordi? Non. Un overboard. Non, un truc de la vie de tous les jours. C'est bien moins cool. Ou en théorie, quand même, c'est vrai, beaucoup de gens ont ça en 2016. Un sextoy? Oui. Non. Pour leur fille? Non. Une machine à laver? Presque. Un lave-vaisselle? Oui. Ah, oui. Mes parents refusent d'acheter un lave-vaisselle. Du coup, je me la tape à chaque fois. Et j'ai horreur de ça. Comment je peux faire pour les convaincre qu'il faut que j'en change? Qu'il faut que ça change? Ça coûte plus rien aujourd'hui, en plus, un lave-vaisselle. Pour le coup, un lave-vaisselle. Il faut avoir la place de mettre un lave-vaisselle. Non, excuse-moi, on a la place. Celui qui vous parle a fait ses achats il n'y a pas tellement longtemps. Je peux vous dire que je me suis tapé les Cdiscount d'Edco. Les lave-vaisselles, ça coûte plus très cher maintenant. Non, et ils sont tous quasiment identiques. Hein, ils font tous le même truc. Tu peux payer plusieurs fois en plus. Oui, mais ils ne veulent pas parce qu'ils disent que quand j'aurai mon appart, ça va m'entraîner après à me débrouiller toute seule. Comme ça me fera moins de frais. Enfin, en gros, c'est une corvée. Oh, mais t'es dans la famille Lapin, c'était dans la famille de Julie. Après, j'avoue, pour nettoyer une assiette, un verre, mais une assiette, etc. Non, c'est tous les soirs, c'est moi qui fais la vaisselle, quoi. Quand t'es trois, tu mets tout dans ton lave-vaisselle, tu mets tes casseroles, tes machins, tu mets lavage 29 minutes, le mode cycle court. Et puis voilà, t'es au taquet maintenant. Au taquet. Ouais, au taquet, parce qu'avant j'étais très con, je mettais 2h40. Je trouvais ça un peu long. Mais moi j'ai pas 30 minutes. La nuit. Si, t'as une programmation Express ou machin, t'as toujours des boutons. Ah oui, Echo, j'ai. Et tu mets en course, c'est 30 minutes en gros. C'est pour les lavages quotidiens quand c'est pas très très sale. Oui, l'économie, c'est quand même économie. Tu fais pas un journal de l'économie dans la vaisselle. T'imagines bien que c'est. J'attendais le journal, moi. Non, ça te lave juste la vaisselle, mais moins longtemps. D'accord. Voilà, donc, mais pourquoi franchement, ils sont radins ou c'est... Après, ça peut être un problème de sous aussi. Bah oui, franchement. Non, parce qu'on a les moyens de. Voilà, on part en vacances, tout ça. Enfin, voilà, mais vous partez en vacances, disais. Vous partez en vacances. Non, mais je veux dire, on a quand même des budgets pour faire d'autres choses à côté. Enfin, la vaisselle, comme vous dites, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est juste tous les ans, ils disent on va en acheter un pour Noël, tout ça, et puis ça fait des années, et puis c'est repoussé. Alors... Voilà, t'as connu le lave-vaisselle, tu peux pas revenir en arrière. Pourquoi ils disent non? Alors, c'est quoi leur argument? Bah en fait, ils disent juste qu'il faut que, en fait, quand j'aurai fini mes études, que j'aurai mon appartement, que t'arrives à débrouiller toute seule. J'aurai peut-être pas les moyens de m'acheter un lave-vaisselle, donc il faut bien que je m'entraîne. Mais bon, ça fait des années que je m'entraîne, c'est bon, tu sais de faire la vaisselle, quoi. Globalement, c'est pas très compliqué. Oh, excusez-moi, mes amis, excusez-moi. Ah, ça y est. Ah, oui, je suis sur ces discounts. Et je vais pas de pub, parce que c'est... Bon, j'en fais pas de promo, je les ai défoncés cet été parce qu'il y a un truc qui est arrivé cassé, ils ont pas voulu me rembourser. Tu parles, j'en fais de la promo. 150 et tu continues à... 100... Mais non, mais je pourrais prendre d'autres trucs. 150 euros, payable en 4 fois, machin et tout. 150 euros à la vaisselle. Merde, ça fait 4 fois 40 euros. Fois 4, 16. Oui. Bon, c'est un flush. Mais non, c'est un quoi? Océanique. Je sais pas si c'est bien. Est-ce qu'il a pris un cours? Mais c'est tous les mêmes. Une Ça marche pareil. C'est tous les mêmes. Ah, mais c'est. Non, alors moi, ça me rendrait ouf, ça. Que ce soit par principe. Oui. Moi, mon père, quand j'étais gamin, il y avait une cheminée dans notre salon. Mm-hmm. Et par principe, il avait décidé qu'il l'allumerait pas. Mais non. Je suis sûr que c'est mais vrai. Mais pourquoi? Et j'ai passé toute ma jeunesse avec mon père qui mettait le chauffage central à fond. Mais non. Et je lui disais, mais ta cheminée, il fait non, elle est pas. Non, pour la déco. Oh, c'est tellement bien en plus. Mais, mais il avait décidé qu'il l'allumerait pas. Et il avait un four. Vous avez rigolé, mais bon, il s'était fait installer une cuisine encastrée. Ouais. Avec un four encastré, machin et tout. et il avait décidé que son vieux four au gaz qui était à la cave marchait beaucoup mieux. Donc le four, il descendait à la cave faire son poulet, son machin mais et tout. Non. Et le four, il est resté 10 ans avec les plastiques dedans neufs. Jamais servi parce qu'il avait décrété que c'était électrique, ça serait pourri, ça valait pas un four. C'est dingue les parents, comme des fois ils peuvent être bornés sur un truc et pas changer d'avis. Je vois de qui je tiens. Sophie, il faut que tu fasses un truc. Ouais, elle peut rien faire. Bah, offre-leur pour Noël. Non. Eh, 150 euros, c'est un budget. Elle a 17 ans. Mais elle peut se cotiser avec la famille. Oui. Eh, tu veux pas faire ça? Donc pour l'anniversaire du papa ou de la maman avec tu vas voir les cousins, les oncles, les frères, tu dis chacun vous donnez 20 euros, 30 euros. Ouais, bah oui, ouais, ça peut mais faire. Mais sinon, à chaque fois que tu fais la vaisselle, tu casses un truc. Ah ouais. Ouais, comme ça. Ça peut les convaincre. Comme ça, ils vont. Moi, je comprends qu'elle en ait marre. Je trouve que la vaisselle, c'est le truc le plus insupportable du monde. Ah, c'est chiant. C'est le truc le plus chiant à faire. Tu nettoies, c'est gras. Après, tu sais pas quoi en foutre. Tu fais sécher. Puis en plus, quand t'as fini de manger, les restes de bouffe, les machins, ça te dégoûte en fait. Bah, même avant, hein. Ça t'éclate. Mais moi, les restes de bouffe, globalement, il n'y a pas d'heure. Ça me dégoûte. Quand ça sent la bouffe, avant, tu sais, ça peut te mettre en appétit. Mais une fois que t'as mangé et que t'as encore de la bouffe dans les trucs, là, c'est gras. Et moi, quand j'ai envie. Et quand j'étais étudiant, moi, j'ai oublié de faire ma vaisselle. Je ne la faisais pas tous les jours. Ah, bah, tous les étudiants, une vaisselle que tu laisses 3 ou 4 jours dans l'évier, mon gars. Ça colle avec les œufs. T'as une odeur. Ça pourrit. Bon, écoute, je n'ai pas de solution, Sophie. Je ne connais pas tes parents, mais je pense que. Cagnotte. L'anniversaire, Noël, la cagnotte. Ouais, je vais essayer de faire ça, ouais. Tu leur laisses pas de choix. Tu les fais livrer devant chez toi. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'embrasse. Tes parents, ils t'ont dit ce qu'ils voulaient pour Noël? Est-ce que ta mère a commencé déjà à guider ton père? On est loin de Noël là, non? On commence à en parler là. Tu rigoles, je suis en train de commander le sapin, moi. Les décos, elles sont arrivées dans les magasins. Bien sûr. Mais tu rigoles, on est quoi? On est mi-octobre. Vous savez quoi? J'ai trouvé un sapin de 2m40. Ouais, les gars. Je suis comme un faux, hein. Je suis comme un ouf, 2m40. 2m40, je le commande là pour l'avoir. Chez moi, 2m40, faut que je le plie en deux, quoi. Ouais, moi aussi. Je mets l'étoile en bas par la fenêtre. J'avoue, 2m40. Ah, c'est bien. C'est un peu comme aux États-Unis. Ouais, mais c'est ça que je voulais. Je voulais me faire un kiff avec un énorme sapin. Ouais, c'est à la place. Je ferai des photos. Oui. On viendra. Hein. Ça, Julie, tu peux faire le nœud. Chercher nos cadeaux. Non, je ferai des photos. Je te fais un gros bisou, ma Sophie, je t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est ta chanson du moment. Black M. Ah, mais montre-le cette chanson. Il sera avec nous au Parc Astérix. Il y a plein de cadeaux qui tombent sur Twitter. Welcome, welcome, ladies and gentlemen. ASCII, le rap est démodé. On est loin de l'époque de M.O.B. ASCII, le black est surcoté. Sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. ASCII, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. ASCII, je suis revenu pour tout rafler. Dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire. Mes gars sont tous dingues. La mise, elle fait des manières. Et moi, je suis complètement ailleurs. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super-héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier mais. Commencez, je vous emmerde tous. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zerma mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde, tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's but. À la base, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Je mets le forum sur Bouska. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super-héros. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais Dawa dit le que quand on dit on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fallait poupa. Je sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesri Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. D'ailleurs, la mise elle fait des manières et moi je suis complètement.

see in what you believe. 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Mon horoscope aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Le gars, il lit son horoscope. Quoi? J'ai le droit de lire mon horoscope. Je suis pas le seul en France à lire mon horoscope. Ça vient un truc qui est fiable. Lis le nôtre en même temps. Tiens. C'était dans le Parisien du jour. C'est une science exacte. C'est une science exacte. Moi, je crois à ce qu'il écrit dans le Parisien. Il te dit quoi? Sauf quand ils disent des saloperies sur ma gueule. Vous poursuivez actuellement la réalisation des projets récemment mis en route. Forme, énergie. Très bien. Voilà. Ça colle. Je suis sur quelle radio? Énergie. Et les mecs, ils disent forme, énergie. Bravo le Parisien. Et nous ils disent rien, c'est ça qui pue. Ah, et tu vas mourir. J'étais en plein débat avec le public, là, il y a deux minutes, sur les trucs. Vous avez vu comment ça s'appelle le nouveau truc de la nouvelle fonction, là? Quoi? Le digital media pad, je sais pas comment ça s'appelle. Digital touch. Sur l'iPhone, là? Sur l'iPhone. Tu sais, tu peux faire des cœurs et des machins. Ouais. Il y a un truc qui est une tanasse. C'est quoi? C'est quand tu veux envoyer un bisou. Eh ben, c'est facile, tu mets deux doigts. On est bisous. C'est vrai? Généralement, c'est le seul truc que je sais faire. Tu fais un bisou et après tu mets deux doigts. Ouais. Généralement, chaque chose en son temps. Chez iPhone, c'est l'inverse. Tu mets deux doigts et après un bisou. Ouais. C'est très étrange. Eh ben non, bah moi je galère. Avant, t'envoies des ronds, t'envoies des trucs. Parce que t'as les trop gros doigts. Regarde, je viens de t'envoyer un bisou en deux secondes. T'as les trop gros doigts en fait. Tu fais juste ça, regarde. Tes deux doigts, paf, hop, ça envoie. Il a peut-être raison, Piette. J'ai peut-être des trop gros doigts. Oui. Attends, je vais essayer avec toi, Julie. Il te faudra un Galaxy Note 7. Oui, pour que ça explose. Mais comme ça, ça allumera le feu de cheminée. Ouais. Maintenant, c'est les nouvelles fonctions des nouveaux téléphones portables. Ils t'allument le feu de cheminée. Bon, attends, j'essaie avec deux doigts, bouge pas. Par contre, je sais pas faire le gribouillis, moi. Attention. Oh, j'ai fait. Voilà, c'est bon, c'est la première fois que j'y arrive. D'habitude, j'envoie des ronds qui font. Félicitations. Et t'arrives à faire le cœur brisé ou pas? Ouais, mais justement, la dernière fois, j'ai voulu faire des lèvres, j'ai fait partir un cœur brisé. J'ai me dit, je comprends pas. Oui, bah c'était. Non, j'arrive pas. Bon, en fait, c'est pas bonhomme quand même, hein, ces trucs-là. Il faudrait des roues de bagnole que tu puisses envoyer, des bisous virils, tu vois, hug. Qu'est-ce qu'on fait, Julie? 118 fight? Oui, on appelle Daniel. Ah, attendez, on appelle Daniel. Laissez-moi me préparer sur mon écran. Je vais mettre Daniel version 1. Voilà. Et je vais mettre Daniel version 2. Voilà. C'est bon, ça, je le mets là. Et ça, je le mets là. On y va, c'est parti. Attendez, je regarde un peu où sont les. Oui, non, on va te faire foutre, ouais. Bienvenue au 118-712. Ils nous entendent pour pas. Pour le tarif, tapez 1. Un conseiller va vous répondre. Comment? Oui, bonjour. Bah, hey, monsieur. Allô? C'est comment votre nom? Vous, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, exactement? J'ai qui à l'appareil? C'est le 118-712, monsieur, les renseignements téléphoniques. Hein? Les renseignements téléphoniques. Ouais. Elle comment aussi? Ça donne ton nom, j'ai une grand-mère, même ma sous-nom, un papier. Allez, hop. Dégagez-le, hop. Allô, allô? Ouais. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, il commence à s'énerver. Sébastien Chloé. Sébastien Chloé, c'est ça? Sébastien Chloé. Dis non. Mais Sébastien, c'est le nom de famille? Non. c'est Chloé, le nom de famille? Voilà. Non. Oh là là, bon, là, on va faire. Sébastien Chloé. Mais je vous comprends pas, moi, monsieur, hein. Du tout, hein. Hein? Sébastien, c'est le nom de famille ou c'est Chloé? Voilà. Vous me dites Sébastien, c'est pas le nom, donc c'est Chloé le nom de famille. Ouais. Oh là là. Oh là là. Bon. Oh, la spade, c'est que. Attends, attends. Et on peut pas le passer au. Hein? Eh, monsieur. Au soutien. Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Veuillez ne pas quitter. Oh non, elle a été lâche, elle a été lâche. Allô? Eh, hey, monsieur. Renseignement, bonjour, oui. Ouais. Quelle est votre demande? Sébastien Chloé. Comment? Sébastien Chloé. Oui, je recherche Sébastien Chloé dans quelle ville? À Paris. À Paris, viens. Ouais. Alors, on va y arriver. Sébastien Chloé. Chloé. Ah, viens. On va y arriver. Alors, c'est son nom, Chloé, je l'écris. Non. C'est. Le nom? Quel est Chloé. Son nom? Si je vois si elle me transfère quelqu'un. Attends. Non. Vous me dites non? Ouais. Quel est son nom? Quel est son nom? Sébastien Chloé. Oui, le nom de famille. Chloé. Oui, prénom Sébastien. Non. Comment on n'entend pas? Hein. C'est folle. Je ne comprends pas. Eh, moi, je suis pas bourré, moi. Comment? Eh, moi, je suis pas bourré, moi. J'ai qui à l'appareil? Ça la relance un peu. C'est parti. Elle a raccroché. Oh là là. On a encore le temps pour en faire une ou pas? On a le temps, non? On a plus le temps. On a plus le temps. Très bien, on en reprend. Bravo. Bravo, j'adore. Daniel. Eh, monsieur. Eh, monsieur. J'adore Daniel. Eh, monsieur. c'est Chloé, alors? Non. J'adore. Le truc qui rend fou. Bienvenue sur Énergie. On fait tout en live. Voici Sound of Legend. J'adore ce truc. Blue. donne le cancer. Le lait donne le cancer. Téléphoner donne le cancer. Les légumes pas bio donnent le cancer. Le déo donne le cancer. Tout donne le cancer. Heureusement, Coé, lui, il donne la patate. Ouais. Alors, profitez-en. Il n'y a plus que ça. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, alors. Effectivement, on est, alors, je vais parler sérieusement deux secondes. J'ai regardé un doc. Moi, je suis un fou des docs qui passent sur la 5 et compagnie. Pareil, moi aussi, je suis fan. J'ai regardé un doc. Écoutez-moi bien. On avait tout fait. Si vous regardez un peu la télé, les plus jeunes, vous regardez un coup, vous avez des bonbons, vous savez qu'il y a des saloperies dedans. Ouais. Vous regardez vous savez que maintenant, il y a eu des saloperies dessus. Vous regardez le poisson, vous savez qu'il y a des conservateurs. Ah ouais. Vous savez que vous achetez des fruits, on vous dit de manger des pommes. Dans les supermarchés, c'est dégueulasse parce qu'ils sont remplis de fongicides, pesticides, etc. Ouais. Eh bien, j'ai découvert un truc, que l'un des derniers trucs que je pensais à peu près normal, les pâtes. Quoi, les pâtes? Putain, les pâtes. Merde. Les pâtes, les nouilles, les trucs que tu te fais où tu penses que c'est que du blé et que c'est de la bonne pâte. Eh ben, il y a quoi dedans? C'est que de la merde. Mais non. C'est-à-dire qu'en fait, ils te montrent que le blé, en France, qui est fabriqué, les mecs te mettent de l'azote pour que le blé grossisse en protéines. Ouais. C'est-à-dire que s'ils en mettent pas, il y a pas beaucoup de protéines dans les pâtes. Donc comme les marques de pâtes se battent pour dire les pâtes c'est bon pour la santé, regardez, on a des protéines dedans. Ouais. Mais sauf que si tu mets que des pâtes normales, tu as 10% de protéines, il faut qu'ils arrivent à 14 ou 15. Donc ils foutent de l'azote qui est une saloperie à l'état pur dans le truc et dès qu'il y a un petit peu de blé qui va mal, hop là, pesticides dans tous les sens. Et ils ont fait des trucs sur toutes les marques de pâtes. Toutes, des plus chères aux moins chères. Elles ont toutes des pesticides, mais des fongicides. Mais pas les pâtes fraîches, on est d'accord. Les pâtes... C'est le blé qui est... C'est le blé, la saloperie. Oui, mais même les pâtes fraîches. C'est le qui pousse dans les pâtiers, là. Quand tu dis, il n'y a pas des mecs qui récoltent des pâtes dans les arbres. Non, c'est le blé, le problème. C'est-à-dire qu'ils prennent du blé qui est déjà pourri à la base. Mais qu'est-ce qu'on va manger, en fait? Mais vous savez ce qu'on se disait avec Pietre? Écoutez-moi bien, je sais que ça vous paraît pas glamour, ce que je vais dire, mais on en reparle dans 10 ans. Pour ceux qui seront encore en vie après avoir mangé toutes ces saloperies. C'est qu'aujourd'hui, entre les pâtes là, dont on parlait, le poisson, le saumon qui est rempli de mercure, les fruits qui sont remplis de pesticides, les cigarettes électroniques que vous fumez à longueur de journée, sans savoir le petit produit que vous mettez dedans, ce qu'il y a dedans, vous ne le savez pas, mais vous le fumez. Je vous assure que bientôt, il sera moins dangereux de fumer 3 clopes ou 4 clopes dans une journée que de bouffer toutes ces merdes. Parce que les saloperies qu'il y a dans les clopes, vous les connaissez. Vous savez ce qu'il y a dans le liquide, vous mettez dans les clés USB, là, pas, vous fumez. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Enfin, moi, je fume pas. Je vois les mecs, ils ont des trucs toute la journée non-stop parce que maintenant tu peux les planquer. Oui. Quand t'as des clopes, t'es obligé de sortir. Généralement, tu fumes pas chez toi, t'ouvres la fenêtre. Tu peux fumer à l'intérieur. Et au boulot, t'as pas le droit. Mais si vous nous écoutez, voilà, ceux qui sont dans les transports en commun, t'as pas le droit de fumer. Alors que tu planques ton truc électronique, tu le fumes dans ton coin. Mais t'as le droit, je crois. Et résultat, non, t'as pas le droit. Résultat, t'as des mecs qui fument toute la journée, non-stop. Mais ça sent pas. Donc, et ils fument un liquide blanc qui sent la vanille et qui a l'air très très naturel. Qui poussent dans les arbres à liquide blanc. Ouais, bien sûr, ils les récoltent comme ça. Et c'est des arbres USB aussi qui se rechargent. On va tous crever et on est en train d'interdire maintenant des trucs qui, à mon avis, sont moins dangereux que les nouveaux trucs qu'on fume. Ouais. Et les médicaments sont aussi possibles. Il y a les médicaments aussi qui viennent de sortir là. Plein de médocs. Tu me diras, ça guérissent même pas les médocs. Et ça te donne d'autres maladies pour que tu en rachètes d'autres. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Mais non. On va tous mourir. Arrête. Rions avant la mort. C'est le thème de cette nouvelle émission. Rions avant la mort. Voilà, c'est important. C'est glauque. Non, mais on prend que des saloperies. Ouais. Alors qu'il y a un petit village, quelque part en France. C'est vrai. Écoutez-moi bien, parce que c'est sûr que ça fait partie des choses qui rendent moins con. Vous pourrez en parler dimanche à table avec la famille. Le village de Roisey. Roisey a été classé comme l'un des villages les moins pollués au monde. Au monde, il est où exactement? C'est en Bourgogne-Loire, dans le centre là-bas. Le moins pollué au monde. Les mecs ont fait des mesures partout dans le monde. Tu crois que des fois tu vas à la montagne, tu fais l'air pur. Eh ben c'est à Roisey, il n'y a pas de montagne. Parce que c'est un peu vallonné, machin. J'ai vu un peu le reportage. C'est les vents visiblement. Voilà, c'est les vents et il n'y a pas d'usine. Il y a pas d'habitants. Il y a très peu d'habitants en fait. Ouais, mais ça, il y a pas d'usine dans les alentours. Il y a le vent qui passe dans la vallée et du coup ils sont nickel là-bas. Il y a beaucoup d'habitants? Non, c'est un village. Roisey, Julie. Non, de toute façon, à partir du moment où il y a beaucoup d'habitations, c'est pollué. Ouais, c'est mort, c'est pollué. Appelez-moi Roisey, imaginez, j'ai envie d'y aller y habiter. Ah ouais? Ouais, ça vaut le coup. C'est vrai? Tu vas te mettre bien là-bas? Ah, t'es contaminé. T'es malade? Ouais, je viens de la ville, tu vois. Allô? Oui? C'est la mairie de Roisey? Oui? Excusez-moi, madame. Mon docteur, je vous ai. Allô? Oui? Ah, je suis malade comme beaucoup de gens, excusez-moi, hein. C'est un peu, je sais pas vous, mais... Il y a mon docteur qui m'a demandé de changer d'air, madame, la nature, l'air pur, tout ça, donc il m'a parlé de chez vous, parce que vous aviez l'air idéal. Allô ? Allô ? Allô, oui ? Vous m'entendez ? Oui ? Bah alors, je disais, mon docteur m'a parlé de chez vous, de venir m'installer chez vous, parce que l'air n'y est pas pollué. Oui ? Donc je voulais savoir si vous avez des campings, des hôtels, des maisons d'hôtes, des choses comme ça ? Rien du tout. Rien ? Rien du tout ? Rien. Ah, vous avez rien ? Rien. Ah, même une petite chambre d'hôte. Regardez sur le site de la commune ou sur le site du parc du Pilat, vous trouverez les maisons d'hôtes. On n'a ni hôtel, ni camping. Ça m'embêterait de vous faire travailler à la mairie, peut-être, là, non ? Vous bossiez pas ? Non, c'est vrai, les employés municipaux qui bossent, c'est quand même toujours difficile, quand même. Bon exemple. Ils veulent personne, en fait. En fait, vous voulez pas qu'on vienne chez vous ? Ah ouais, non, pas du tout. C'est le plus le moins pollué, mais le moins aimable aussi. Moins sympa de France. Ah, mais rappelle-la direct. C'est ça, c'est le moins pollué, mais le plus désagréablement. Dégage, connard. Viens pas t'installer chez nous. Elle veut pas de nouvelles personnes, hein. C'est dingue. Rappelle-la, Qu'est-ce qui veut y aller, bim. Demande combien il y a d'habitants. Ah, attends, demande. Il y a 880 habitants. Il y a bien une mairie. Ah, quand même. C'est Monsanto à l'appareil. Décroche plus. Non, bah décroche une fois par jour à la mairie. Elle dit oh là là, et pas deux fois, et sinon c'est une prime. Hein. C'est encore un connard qui voulait s'installer. Et après, on va dire que votre ça bosse. Votre correspondant n'est pas joignable. Et après, on va dire que ça bosse dans les mairies. Ah, hey, sans déconner. Rappel. Ce matin, j'ai fait un tweet sur les profs de sport. Parce que j'ai découvert un nouveau métier de branleur. Ah, bah c'est pas nouveau. Coach. Ah oui, le sportif. Le coach, c'est le mec, il est habillé comme un prof de sport du collège. Bonjour. Bon, vous êtes dès que ça répond, vous me le passez. Ils sont habillés comme un prof de sport du collège. Ouais. Ils branlent rien, ils prennent 4 fois l'heure le prix. Ils sont à côté, ils parlent au mec non-stop. Ouais, ça va vous, ça va bien. Hey, 20, on tient, hein, on tient. Et le gars, il s'est mis en jogging dès le matin, mais pas une seconde, il transpire dedans. Mais ça aide quand même. Mais nouveau métier de branleur. Ça, coach sportif. Motivé, tous les matins, je les vois quand je vais à la salle de sport. Et les mecs, en plus, ils se font tellement chier. Attends, la mairie, allô. Eh, prévenez les gamins. Allô ? Madame de Roisé ? Ah non, ah bah elle décroche, mais elle parle plus. Prévenez quand c'est en ligne aussi, vous me le dites pas. Donc, mais c'est fabuleux, coach, j'adore. Et combien ça coûte un coach ? Ça coûte un bras, ils se font c'est deux. C'est 80 euros de l'heure, je crois. Comme 80 euros de l'heure. Et moi, à Paris, 80 euros de l'heure pour arriver à côté du mec, faire dis non, on en fait 10 de plus. Alors ? Ah ouais, mais c'est pas, motivant. Moi, je salis pas mon jogging. Quand t'as pas envie de faire de sport, c'est la seule personne qui peut te motiver quand t'es tout seul. Motive, le mec, il me prend du blé dans un jogging à rien branler, ça me motive pas, ça m'énerve. Ouais. Bon, ça décroche plus, c'est fini, ils veulent plus. Mais hormis ça, juste pour parler de sport, tu t'arrives à trouver la motivation? Parce que moi, toute seule, je me lève, j'arrive pas à aller faire du sport toute seule. C'est pourquoi je veux pas de coach. Je déteste qu'on me casse les couilles en me parlant à longueur de journée. Oui, mais t'arrives à te dire, je vais tout seul faire du sport. Les mecs, tu peux pas t'empêcher, ils te parlent tout le temps. Ça va bien? Alors, bah, faut que tu justifies un peu, c'est dans Faut que t'essayes cet appareil là, dis donc, il faut que t'essayes ça. Ah, c'est pas comme ça, c'est machin. Ta gueule, ferme ta gueule, je t'en supplie, arrête. Ah, les coachs, c'est insupportable, ils te parlent tout le temps. Faudrait que je trouve un coach muet, Bernardo dans Zorro. Ça sert à rien. Le mec fait que des signes. Et là, il t'encourage, il te saoule pas, tu peux écouter ta musique pendant qu'il est là. Ouais. C'est pas impoli. Restez avec nous, donc je rappelle que Roisé a donc été élue la ville la moins polluante de France, mais la plus désagréable du monde. Ouais, c'est ça. Wow. Et ça, c'est pas facile, bravo Roisé. Ah, vous avez qu'à regarder sur internet. Rien du tout. On a rien du tout. Bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. Vas-y, MHD. C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, plus rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier.

eh bien sachez que celui de, qui aura ça devra passer l'émission la prochaine en fille, habillée totalement et maquillée. Bon, ça pue pour nous, pour tous les deux, jusqu'à la fin de la semaine. Là, on n'est pas moi, bien. Moi, je me tiens à carreau depuis le début de on cette a émission. On a pris 8 en une émission. Ouais, il y a eu des petites blagues, mais qui sont passées comme ça, elles sont bien passées. Ouais, bah, parce que le problème, le public n'a pas fait tilt aussi. Il faut que vous soyez réactif, le public. Dès que vous entendez une blague que vous trouvez limite, vous dites le bâton. C'est important, c'est important. T'inquiète, on va être réactif. Noémie, ça va? Et où ton mail? Va, où est le mail de Noémie? Attends, je lis le mail de Noémie. Coucou, comment vous allez? Elle pose une question. Ça va, ça va. Merci. Je m'appelle Noémie, j'ai 26 ans. Et je vous, car j'ai besoin de votre avis. Et je vous, bien sûr. Ah oui, j'écris. Mais moi aussi, je te. Et de vos conseils, je t'explique, Coé. Mon mec a une passion de merde. Il kiffe la pêche. Je trouve ça tellement débile. Ça, c'est pour Pietre. Hein. Ouais, j'aime bien. Bref, pour lui faire plaisir, j'ai accepté de l'accompagner ce week-end. Seulement, ça m'emmerde. Et je vais me faire chier de ouf. Ça craint ou je lui mets un plan? Ah ouais, quand même. Ah là là. Ah, j'avoue, pour, ce, pour l'accompagnateur, si si t'aime pas. Il pêche tous les week-ends? Tous les week-ends. Bah, pas vraiment quand il fait froid, mais là, ce week-end, il fait pas assez froid, tu vois, pour qu'il y aille pas. Et genre, il va avec, sa, avec la tente, le truc de camping non, et tout. Bah, si, non, t'as des mecs qui restent des semaines. Mon cousin, il reste une semaine à la pêche. Des fois, il fait des sessions d'une semaine, oui. Voilà. Les carpistes, que vous avez, ils ont que ça. C'est ça, il est carpiste. Ah, il est carpiste. On en parle dans un instant, on en parle dans un instant. Mais que ça a branlé dans sa vie, quoi. Donc, pour pouvoir partir une semaine à la pêche. On en parle dans un instant après Shawn Mendes. Écoutez-moi bien, on vous réserve peut-être une petite surprise avec Shawn Mendes. Peut-être. J'ai dit peut-être. Vous voulez en savoir plus? Écoutez-nous et vous le saurez. Mais peut-être une jolie surprise. Une très jolie surprise. Peut-être. Si vous êtes Mendesateur et Mendesateuse, ou les Mendesators, je sais même plus comment on dit maintenant. C'est ça, le garage Mendes. Ouais, si vous êtes fan de Monsieur Mendes, bah, ça va peut-être être énorme. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Better than he can. Better than he can. Shawn Mendes sur Energy. C'est Shawn Mendes. Comment? Shawn Mendes. Ah, je connais pas. Ah bon. On en est à la 7e saison de Coé sur Énergie. Déjà. Et on attend toujours une stagiaire bonne. Merci Julie. À la place de ça, on a un stagiaire rouquin qui prend de la protéine. C'est génial ça. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Salut, fais de la danse. Ah, t'es mon truc, moi, maintenant. Salut, je fais de la danse. Fais de la danse, c'est comme ça, t'es mon petit pas de danse à moi, et t'accueilles le public, et de faire ouais. À tout le public, salut. T'as vu, pour plus qu'on voit que je suis rouquin, je me suis rasé intégralement la barbe. C'est vrai. Ah oui, ah, c'est vrai. Comme ça, on peut plus se moquer de moi. C'est une erreur. Qu'est-ce qui est une erreur? J'ai fait le mauvais sabot ce week-end et du coup j'étais obligé de te raser. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Ce week-end je me suis trompé, j'ai rasé trop court et ça m'a fait chelou. Ah, c'est bien là? Ouais, mais en fait j'ai voulu raser bien et j'ai trop rasé et ça faisait trop bizarre. Ouais, j'hésite à remettre à blanc moi une fois juste comme ah, ça non, pour voir. C'est pas ça beau. Il y a un truc qui va pas. Tu regardes ton visage, tu fais oh, il y a quelque chose qui va pas. Bon, j'espère que vous allez bien chez vous. La passion de merde de Noémie qui est la même que celle de Pietre. Non, alors lui, pour expliquer, son mec il est carpiste et les carpistes c'est un peu les intégristes de la pêche. Quoi. Attends, on va reprendre par. Alors, parce que là, il y a des filles du public qui se regardent en mode carpiste. C'est les mecs qui pêchent la carpe. Et en fait. Mais la carpe, c'est un animal imbouffable. Il n'y a jamais non, un restaurant. Non, c'est pas bon. Il y a que les Russes qui mangent de la carpe. Ah, mais ils pêchent pas pour la manger. Hein, ils pêchent en no-kill, donc ils relâchent. En no-kill, c'est-à-dire qu'en fait, ils en prennent super soin de leur carpe. No-kill, pas tué. Voilà. Ouais, d'accord. Les vrais pêcheurs, ils pêchent que comme ça. S'il y avait un James Bond avec license to no-kill, comme ce serait chiant, le mec qui tirerait. Oh, puis non. Le mec qui va à la pêche. Il tire dans la biche. Oh putain, je la laisse repartir. Je la laisse repartir. Ouais, elle boite, mais elle repart. C'est no kill. Non, mais ils en font super gaffe. Ils les mettent dans des sacs et tout après pour qu'elles repartent, pour sans les abîmer et tout. Non, c'est des malades. En fait, c'est des pires. Excuse-nous, il y a encore eu le bruit de la sonnerie du réveil. Je vais devenir ouf. Ouais, c'est psycho. C'est psycho. C'est obligé. Tu fais l'innocent, regarde. Non, mais envoyons. Ça vient de là-bas en plus. Envoie un message à Psycho. Envoie un message à Psycho. Je voudrais qu'on envoie. Boris, tu vas m'envoyer des messages à tous les gens de cette équipe. Il y a un truc qui fait un bruit de sonnerie. Ça fait deux jours que vous me dites c'est pas moi. Sonnerie de vélo. Je trouve celui que c'est. Je vous jure, je le tape. Non, c'est pas ça. Excuse-nous, on est agacés, on ne sait plus où ça vient. Ça me rend ouf depuis deux jours. Noémie, ma chérie, donc le carpiste, il pêche la carpe. On répète, donc un animal que personne ne peut bouffer parce que c'est dégueulasse. Ouais. Et deuxièmement, il se fait chier à passer des journées à pêcher un truc pour le remettre à l'eau après. C'est ça. Quel putain d'intérêt c'est de choper un animal. C'est une passion, un hobby. À ce niveau-là, les mecs. C'est juste le plaisir d'éclater la gueule au poisson avec un dégorgeoir, il repart. Non, parce qu'il est pique sur le côté, ils leur font pas mal justement. Bah non, on t'a fait un hameçon jusqu'au fond de la gorge. Justement, ils ont des hameçons spéciaux pour pas les abîmer, pour les piquer sur le côté en fait. Pour pas qu'ils avalent le truc. Mais j'avoue, c'est quoi l'intérêt? Aucun, c'est que tu te fais chier chez toi. Je trouve pas l'intérêt. Moi j'ai toujours pensé. T'attends pendant des heures de pêcher un poisson que tu vas relâcher. Les amis, vous savez à quel point je suis. Mes idées sont parfois un peu tranchées, mais j'ai jamais complètement raison. Mais j'ai jamais complètement tort. Ouais. Moi, je pense que les gens qui partent longtemps à la pêche, c'est comme les gens qui partent longtemps à la chasse, ils se font chier avec leur femme. Et qu'à un moment donné, quand t'es bien avec ta nana, tu restes longtemps. Quand tu pars longtemps à chasser pendant deux jours ou à pêcher pendant deux jours, tes plaisirs c'est à toi. Quand t'es avec ta meuf, tu te fais chier. Mais tes plaisirs, ils peuvent durer trois heures, ils durent pas deux jours. Mais les mecs, s'il y en a, c'est le cerf-volant, donc c'est le parachute. Mais mec, si tu bosses du lundi au vendredi, que tu vois pas ta meuf parce que tu bosses, et que le samedi et le dimanche, tu te prends deux jours pour aller à la pêche, c'est quand t'es avec maman dans le salon, elle te fait chier. Et t'es pas bien avec elle. Écoute, pour ma défense, il est comme ça et passionné comme ça depuis même avant qu'on se rencontre. T'as pas su le détourner. Mais vous avez pas le détourner, c'est ton truc à lui. J'ai envie de lui laisser sa passion. Moi, les amis, je vous le dis, si j'avais une nana où la passion c'était, je vais pas te raconter une connerie, la danse, n'importe quoi, le truc bâton, le twirling bâton, je sais pas quoi, et qu'elle me disait, bah écoute, du vendredi soir au dimanche, je serais pas là parce que je fais ça pendant deux jours, ce serait ça me saoulerait. Je serais pas avec, ça me saoulerait. Mais pourquoi tu respectes pas la danse? C'est pas ne pas respecter, c'est que quand t'as des passions qui prennent des week-ends entiers, c'est plus des passions. Si c'est pas tous les week-ends, chacun est son délire. C'est toi qui dis ça alors que t'es passionné de mix, t'es passionné. C'est mon taf. Oui, c'est ton taf, mais c'est une passion aussi. Faut respecter ces trucs-là. J'ai fait de la pêche quand j'étais gamin. Mais avec non, mon père. ça n'a rien à voir avec ça. J'ai fait de la pêche. Je me suis jamais autant fait chier. Mais toi, mais respecte les trucs des autres. Et je les respecte. Je veux juste pas y aller. Je veux plus y aller. Je veux plus qu'on m'invite à la pêche. Mais je me fais chier terriblement. Mais moi, aller voir passer une journée à regarder des trains électriques, excuse-moi, ça me fait chier. Quoi. T'as touché à quelque chose. Non, ça mérite pas. Mais moi non plus, je vais pas passer des trains. Non, mais t'es prêt à aller t'arrêter dans un musée pour passer deux heures à voir des trains électriques. On a tous nos passions de merde et voilà. Après, bon voilà. Non, c'est vrai. T'as raison. Il faut respecter le truc. Mais à un moment donné, ça pourra poser problème dans son couple. Je suis d'accord. Si elle vient, elle va se faire chier et elle va le saouler parce qu'elle va dire je m'ennuie. Et si elle vient pas, elle le verra pas. Ouais, puis si elle y va, elle va se faire chier. C'est ça, j'ai pas envie de me forcer à y aller, que ça se passe mal. Je préfère pas non plus lui dire clairement je ne veux pas y aller. Je préférerais mentir, c'est un peu con. Mais tu veux pas apprendre à pêcher? Ça te dérangerait pas d'essayer d'apprendre? Arrête, c'est relou pour Non, franchement, j'ai pas envie, c'est pas mon truc. C'est vrai que c'est chiant. T'empêcher quand même. Ouais, mais à ce niveau-là, je te dis, les mecs s'occupent et enfin, ça devient limite un sport. Ah, parce que moi, la chasse, même si tu chasses pas, tu tues pas l'animal, tu marches, t'es en forêt. Ouais, j'avoue, tu prends l'air. Tu prends l'air, tu marches, tu traverses un champ, tu traverses une forêt. Pêche, putain, tu es là, regardez si ton truc il mord au bout là. Et si tu t'amuses à jeter des loup-boutins dans le lac ou quoi et t'essayes de les repêcher, peut-être que ce sera plus passionnant. Ça, c'est passionnant. Hein, je vais me faire tuer, je crois, là. Je te fais un gros bisou, ma petite chérie. Je t'embrasse, gros toi, Amy. Embrasse ton mec, d'accord. Embrasse, ouais, si tu le vois. Ouais. Elle va le croiser. Elle va le croiser. Mais, ah, je peux pas, je la pêche. Voici celui qui sera notre invité de demain. Ce titre-là, il le chantera en live avec nous. Voici Sauf tous les soirs, numéro 1 grâce à vous, 19h, 22h sur Energy. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce match, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce match, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Avouez. Jeune homme maintenant, alors on voit jamais, ça a complètement sa tête, hein. Il cache le truc et tout. Dans le monde, c'est 4 millions de singles vendus, c'est beau, hein. Ah, c'est énorme. Numéro 1 des ventes singles dans 10 pays, numéro 1 Airplay Europe, Shazam Monde, pendant 7 semaines et tout. C'est assez ouf. Mais alors d'abord, il faut savoir à quoi ressemble Alan Walker. Ouais. Eh oui, puisque forcément sur les photos qu'on nous a données, on voit pas. Bah, dans ces clips, en fait, tu le vois jamais. Donc, là, nous allons faire rentrer, et le public, vous allez voir de dos, trois personnes qui peuvent être potentiellement Alan Walker, puisqu'ils ont chacun une capuche et le visage un peu. Ouais, avec le. Faites entrer les trois. Faites doucement, entrer les trois. Doucement, entrez, ils se mettent en position, ils ne parlent pas. Voilà, ils se mettent en position, ils ne parlent pas. Mettez-vous là. Dos au public, je vois que ça a été bien expliqué. Voilà, très bien. Tac, on s'arrête là. Voilà. Et je vais juste simplement poser une question. Cette question est à la réponse. Donc nous aurons Alan Walker 1, Alan Walker 2, Alan Walker 3. Je pose juste une question et nous écoutons la réponse. On va devoir vivre. Alan Walker 1 How are you, Alan? I'm 20. Oh, c'est pas lui. T'aurais pu faire un effort sur la première question. How are you, c'est comment ça va? Ouais. Mais c'est pas grave. Alan Walker, number two. How are you? I'm doing good. Ah. Il a dit quoi? I'm doing good. Avec un petit accent. Alan Walker number 3 avec le visage très très bien caché. Ouais. How are you? I'm doing good. Merde. C'est pas trop le 2 et le 3 là. Ouais. Parce que bon, le 1. On peut exciter le 1? Allez, le 1. Non, mais on peut le faire répondre, c'est drôle à chaque fois. Ok, Alan Walker number 1. Do you like France? Do you like Paris? I live in Monaco. And welcome number two. Do you like Paris? No. Yes. And welcome number three. Do you like Paris? Yes. Very beautiful. Oh, tout le temps. Moi, j'enlève le 1. Bah non, les adverses. C'est le public qui choisit. Le public, si vous pensez que c'est le numéro 2, levez la main. Si vous pensez que c'est le numéro 3, levez la main. Il y a un petit doute. Il y en a une. Il y en a deux. Il y en a une que je pense que c'est le troisième. Number three, are you Alan Walker? The truth. Il sait plus. No. So number two, are you Alan Walker? Yeah. Walker! Il peut se retourner devant le public. Hein. You can turn around. Happy to pass you. Happy to pass you. Happy to see you, Alan Walker. Non, parce qu'il y en a. Donc le visage. Qui vient de s'asseoir? Qui vient de s'asseoir? Yeah, venez avec nous. Alan Walker, vous avez forcément entendu ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Odyssey, ça a été un énorme carton, le nouveau qu'on va se faire dans un instant, Sing Me To Sleep, ça veut dire chante-moi pour dormir, une berceuse. Ouais, chante jusqu'à ce que je dorme, voilà. Chante jusqu'à ce que je dorme, c'est un nouveau c'est jeu. L'idée, ouais. Voilà, welcome in Paris, welcome in my show. Thank you so much. Voilà, donc je disais, I'm happy to don't not see you. Happy to not see you, he happy said. To not see you. He made a joke. Ouais, alors, mais c'est marrant ça, de se cacher comme ça, pourquoi? Parce que tu fais une manif après, t'as... Why are you hiding your face like that? Are you going to go break into some stores after, or what's going on? T'es contre la loi travail, c'est quoi le... What's going on? Is there a protest after? No. It's to create a different artist image. Tu vas au foot? C'est juste pour créer une image artistique différente. Ah, voilà. C'est bien. Pourquoi pas? Ouais, ça fait un petit peu Assassin's Creed des temps modernes, ouais. C'est ça. Il y a un petit côté Assassin's Creed. Mmh. Tu traduis pas Assassin's ça? Assassin's Creed from modern time. Creed. Pas Street. Sorry. Moi, je me disais. She's old. Yeah. Assassin's Creed. She's tired. Ah, là, tu connais pas le jeu vidéo? Non. Bah, c'est du jeu vidéo, franchement, non, quoi. It's a video game. Sorry, bah lui aussi il s'en fout, il ne connaît pas. It's an old woman. Not video because game. Because I didn't know what video game they were talking about. I'm old. You don't play at the video game? What video game? Voilà, tu vois. Eh ben, hein? Il a dit quoi? Quel jeu vidéo? Assassin's Creed. C'est moi. Oh, mais Assassin's Creed. Yeah, actually I've played it. Ah si, il a déjà joué alors. Ah. Ok, bon, c'est un mec. Vieille personne. Je suis une fille quoi. Mais, on va voir s'il connaît bien les chansons françaises. Yeah, let's see if you know French songs. La nouvelle chanson s'appelle Sing Me To Sleep, donc en gros. Chante pour m'endormir. Et non pas change de sleep, ça veut dire chante pour m'endormir. Et donc je vais te chanter des chansons françaises. Tu vas me dire. French songs. Tu vas me dire si d'après toi ce sont des berceuses ou pas. Peut-être que j'ai légèrement changé le rythme. You have to tell him if they're lullabies or not. Basically, if they're songs that you would sing to someone to put them to sleep or not. He may have changed the rhythm. Okay, so it's going to be hard. Berceuse ou pas berceuse? Lullaby or not? The song name is kind of sounds like a lullaby, but it's maybe a bit too hard song to be your a song. Yeah. Oui, alors il dit que c'est effectivement le nom d'une berceuse, mais que c'est pas vraiment une berceuse. Non, je sais, mais nous, we know, but you know, it's a word game. Puis c'est le jeu qu'on a prévu. On joue avec le mot. That's the game they plan. They're not going to change, so that's how it is. On joue avec le titre. Attention. C'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. Is that a lullaby according to you? 9-3, c'est la Champions League. Berceuse ou pas berceuse? Maybe, I don't know if I want to sleep into it, but... Je ne sais pas si ça pourrait l'endormir, mais... D'après lui, non, d'après lui. Vous écoutez les paroles. Est-ce que les paroles peuvent vous sembler... Do you think it's a lullaby or not? Maybe, I don't know. Maybe. C'est pas trop, ouais. Pas du tout. Nope. Ça, c'est la vraie version. That's the real version. So not a lullaby. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Berceuse ou pas berceuse? Lullaby or not? That sounds more like ouais, a lullaby. Ouais, ça, c'est plus une berceuse. Fais dodo, cola mon petit frère. That's the original one. C'est glauque. Ouais. Ouais, dors bien. Ha ha ha! Troisième. Meunier, tu dors, ton moulin, va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin, va trop fort. That sounds more like a kind of folk, like dance. Un truc un peu nice. Folk, il dirait. Ah ouais, bah non, merci. Nope, lullaby. Not really folk song. Nope. Yeah. Attention. Attention. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. La la la la. that has to be a lullaby. Bah si, il y a une berceuse parce que la la la. Ah ben non. Non, bah non. Le dernier, the last one. Last one, yeah. Fous ta cagoule, où t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Ça sonne bien, hein? Ouais. Ouais. Ah, il a un doute. Ah, ouais. I feel like most of these are very tricky. Ouais, c'est ça, ils disent que c'est tout, tout un peu à piège, hein. Fous ta cagoule. Non, c'est une chanson pour lui. It must be a lullaby. Bah, il va dire berceuse alors. Bah, yes. Évidemment. No. Comme toi, c'est comme toi. Just like you. On se fait le titre en live ou pas? Ouais, you ready to live? Faites du bruit pour Alan Walker. C'est un exclu ce soir chez nous sur Énergie. Écoutez. Second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can't hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for. Besoin de vos votes.

saison 7. Vous faites tourner, vous écoutez l'émission, vous likez, vous allez sur notre Facebook, vous allez mater des vidéos, des trucs et tout et tout. Et puis voilà, et puis vous êtes heureux, et puis vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, et on sera heureux. Et tous les soirs, vous êtes là, et c'est là que ça se passe. Et vous êtes dans la première émission de France. Tu vas me donner des lingettes Ça va, t'es pas trop dur pour de la muscu, ça va C'est trop lourd. Un paquet de lingettes. Ça va, ça va aller. Non, ça va, merci. Ça va aller. On fait un bisou à Laura. Ça va, Laura? Un bisou, ouais, je suis stressée. Coucou ma petite Laura, pourquoi t'es stressée? Non, parce que j'ai envie de la gagner, la PS4, j'ai plus envie de la promener à mon mari. PS4 à gagner avec la sortie aujourd'hui de... Du DVD. Du DVD, si vous l'avez pas vu, Warcraft. Warcraft, ouais. Qu'un DVD, faut être dans le délire, hein. Si vous êtes super bien fait. Si vous êtes dans le délire, vous allez kiffer. Si c'est pas votre truc, vous aurez la PS4. Ouais. Comparé à 50 nuances degrés, ça n'a rien à voir. Non, non. Faut être moqué un troll, quoi. C'est ça. Non, c'est pas pareil, mais c'est vachement bien foutu. Voilà. En tout cas, ça fait bizarre de parler à Corée. Pourquoi? Parce que ça fait bizarre, on t'entend tout le temps à la radio faire des bêtises, et puis là, on t'entend. Faire des bêtises. Voilà l'image qu'on a de moi. Faire des bêtises. Je dis des fois des trucs très intelligents. Pas souvent. Ouais, mais beaucoup de bêtises avec. Voilà l'image qu'on a de moi. C'est mort, je serai jamais banquier à la Société Générale. En même temps, j'avais pas prévu de le faire non plus. Mais bon, Laura, tu vas piéger ta maman qui s'appelle Peggy. C'est ça. Tu es mariée avec Johan, vous avez deux enfants. Exactement. Tu cherches un travail, dans quoi? J'espère que ma belle famille vont pas m'entendre, hein, parce que la honte. Non, mais non, t'inquiète, c'est entre nous. Tu cherches dans quoi? Dans tout. Dans tout ce qu'il y a. D'accord, voilà. Ok. Alors, ce qui énerve ta maman, c'est que tu lui demandes tout le temps de l'argent. Ouais. Les sujets sur les enfants, pourquoi? Qu'est-ce qui l'énerve sur les enfants? Bah, si je pars loin, c'est un plomb. D'accord. Si tu trouvais un travail un peu orthodoxe ou un travail un peu bizarre, ça la saoulerait? Ouais, je crois que même elle va me renier, mais bon. Enfin, on dit un travail un peu space. Ouais, quoi. Puis elle va te renier, pas te renier, parce que si elle te rogne, ça n'a rien à voir. Ouais, elle va prendre la jambe et elle va te rogner. Si tu quittais Johan, avec qui t'es depuis 7 ans, ta mère le prendrait mal? Ouais, bah oui. Bon, en gros, généralement, c'est mon premier amour. En gros, généralement, c'est boulot et argent les problèmes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot ici. Pourquoi t'habites où déjà? À Mouille, dans le 60. À Mouille. Dans le 60, dans l'Oise, il n'y a pas beaucoup de boulot? Si, quand même. Ah bah non, on est entre Beauvais et Creil, il n'y a rien. Bah, c'est pas une des pires régions de France quand même, l'Oise. Ça va, ouais. Non, ça va, mais c'est dur, quoi. Ah oui, bah, je vais te présenter deux, trois autres régions en France, tu vois, c'est encore plus dur. Bon, après, si on m'écoute, moi je veux bien, hein, si un employeur. Oui, mais dans quoi? Parce que le dans tout, en fait, dans ça marche. Tout, non, ça marche non, pas. Non, ça marche pas, il faut que tu sois décidé, justement. Fleuriste, non, sapeur pompier, fleuriste. Cosmonaute, Star Academy, je prends tout, vraiment. On prend tout, voilà, même la nouvelle star, c'est pas grave. Voilà, les anges, nouvelle star, ramoneur, je prends tout. Mais bon, après, si Matt Pokora il m'appelle, c'est pas grave. Ma chérie, il faut que tu saches que quand tu cherches un boulot, tu peux pas dire je veux dans tout. Non, il faut que tu sois décidé. Non, mais je dis pas ça aux employeurs, c'est sûr. Il faut que tu saches si t'es plus fait pour la clientèle, plus fait pour voir du monde. Oui, c'est plus pour la clientèle. Ouais. Ah, donc tu es en boutique, par exemple, des fois. Moi, j'arrête. Alors, excusez-moi. Je veux vraiment être au contact de la clientèle. Ma chérie, excuse-moi. Je vois tous les jours des gens qui me disent à la radio je cherche du boulot, machin et tout. Hier, je suis allé balader dans un centre commercial. J'ai vu trois magasins où il y a écrit recherche urgent vendeuse. C'est vrai, ouais. Donc, moi, il y a. Ah bah je te donnerai l'adresse si tu veux du centre commercial. Mais il y a des trucs que je comprends pas. J'entends que des gens qui me disent je trouve pas, et je ne vois que des affiches des restaurateurs. C'est vrai, ouais. Le nombre de restaurants où il y a écrit urgent recherche serveur, urgent recherche vendeuse. Tu sais, moi la dernière fois qu'on m'avait dit ça, bon, je venais d'accoucher de mon fils et un employeur il m'a dit texto t'es trop grosse alors que j'avais 10 kilos au-dessus de la moyenne, quoi. Ah, bah, si la moyenne c'est déjà 80, ça fait 90, hein. Non, mais c'était vendeuse en quoi? Je te dis pas que tous les gens sont tous élégants et qu'il y a des patrons qui sont cons comme tout le monde. Mais j'ai quand même l'impression que des petits boulots comme ça, il y en a un plein un peu partout, mais que ça ne va jamais. Ou c'est pas assez cher payé. Le problème, c'est que je récolte plus des CDD, des petits CDD. Ben oui, mais ma chérie, excuse-moi. Moi, quand on commence ou qu'on cherche un boulot, vaut mieux prendre un CDD que rien du tout. Ouais. Parce que le CDD, si tu te débrouilles bien, tu reprends un autre boulot, ça fait quand même des sous. C'est pour ça que moi, quand on me propose un CDD, je le prends. Moi, j'ai une boîte de prod. Vous savez, le nombre de gens, des fois, qu'on a déjà recrutés, qui nous disent « Oh, finalement, non, je préfère rester à la maison avec le chômage, je m'en sors mieux qu'à bosser. » Bah oui, parce qu'ils sont bien, ils sont au chaud, et puis ils travaillent pas, mais... Ouais, enfin, je sais pas. C'est là que tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est improbable. Bon, pour l'instant, bah oui, mais je l'ai entendu plus d'une fois. Des gens à qui on avait fait des propositions de boulot et tout, et les mecs te disent « Oh, mais il y a pas que chez toi, t'inquiète pas, on en a déjà entendu. perdu. À la poste, c'était pareil. Oh non, de toute façon, c'est trop physique. La poste. Moi, j'arrête. Oui, c'est physique. La poste, c'est physique. C'est connu, ça. C'est les mecs, ils font du bodybuilding, les mecs, ils sont en entraînement spécial. Ces mecs, ils font du. Pour les stages commando. Pour les stages du raid à la poste. Attends, on les apprend à sauter d'un trottoir et tout. Attends, il y a des trucs difficiles. Voici les cinq phrases. Non, quand même pas. Tu vas dire à ta mère, j'ai trouvé un travail, mais ça va pas te plaire, c'est des photos de charme. Ouais. Johan veut me quitter du coup, mais je m'en fous. Si tu veux, j'arrête, mais tu me files 1300 euros par mois. Ah ouais. Il y aura quelques photos lingerie et d'autres à poil sur internet, c'est rien. Et la dernière, par contre, c'est à Paris, donc je vais devoir déménager. Dans un instant, on appelle maman, on ma chérie. On va marquer par contre que c'est à Montpellier, on avait dit. Allez, bah vas-y, fais ce que tu veux, change la phrase. Tu es libre, libre, libre. Voici celui qui a retweeté l'interview avec Loris. On l'avait remis l'interview avec Loris. Ouais. Allez le voir, la vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube. Voici Alex Ayonoro. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. It's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need a one dance. Got an NC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an NC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que oui, oui. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one day. Quedarme contigo hasta el amanecer. Touche pas à ton ton, parce qu'à l'heure, si tu touches à ton ton, je prends ma charrette, je vais mettre à ton carnet, à ton putain de restaurant de merde, je vais tout briser, t'as compris? Je vais tout casser! Mais tu sais quoi, toi? T'as signé ton arrêt de mort, toi. Coué, 19h, 22h sur Énergie. Oui. Tout ça sur Énergie. Allez voir donc la petite vidéo de l'interview de Loris. Il y a le avec Alex Ayono. Avec Alex Ayono, vous allez kiffer ce moment. Le truc où je joue du piano aussi. Bon, bref, on a fait 2-3 vidéos avec lui. Vous allez les kiffer. Le range ta chambre. Au lieu de laisser nous le temps de la monter, et bientôt on va peut-être débouler chez vous pour un prochain range ta chambre. Laura, 22 ans, va piéger maman qui s'appelle Peggy. Voici les 5 phrases, d'accord? Ouais. J'ai trouvé un travail, alors, ça va pas te plaire, c'est des photos de charme. La deuxième, Johan veut me quitter du coup, mais je m'en fous. La troisième, si tu veux, j'arrête, mais tu me files 1300 euros par mois. Quatrième, vas-y, lis-la moi la quatrième. Alors la quatrième, il y aura quelques photos lingerie et d'autres à poil sur internet, mais bon, c'est rien. Ouais, c'est bien. Et la dernière? Par contre, c'est à Montpellier, donc je vais devoir déménager. Voilà, très bien, allez, on y va. D'accord, et à la fin, je serai Jackie et Michel. Ouais. Ah bah oui, version soft. Hein. Bah version soft. Bien sûr. Attention, ça sonne. A gagné une PS4 si ça gueule. C'est la nouvelle règle du jeu maintenant. Si ça ne hurle pas, pas de cadeau. Allô. Allô maman. Allô. Ouais. Allô. Ouais, ouais. Tu m'entends? Pourquoi tu m'appelles en privé là? Bah parce que j'ai mon téléphone en fait qui a un problème. souci à son téléphone. Je sais pas, il bug encore. Ça va? Non, jette-le à la poubelle, tes téléphones, c'est de la merde. Ça va, tu m'étonnes. Ouais, ça va. Ouais, ça a été la petite à l'école. J'ai quelque chose à t'annoncer, je t'ai envoyé un message là. Et j'étais pas libre quand tu m'as appelé tout à l'heure. Oh, attends, je m'assois. J'aime pas ça quand tu me dis ça. Non, ça va, c'est pas grave. C'est trop grave, t'inquiète pas. Vas-y. Bon, donc ça va faire un choc. En fait, j'ai trouvé un travail. Ça va pas te plaire. Ouais. Des photos de charme. De quoi, recommence ce que tu viens de me dire, là. Je t'ai dit, j'ai trouvé un travail, mais ça va pas te plaire parce que c'est des photos de charme. C'est-à-dire? Des photos dénudées. De cul. Ouais. Tu vas te mettre à poil sur des magazines. Ouais, un peu. Un peu ça. Mais tu es complètement frappadingue, il n'y a pas d'autre travail. Je suis pas frappadingue. Ça fait des milliers de fois que tu me dis, ouais, faut que tu trouves un boulot. Laurent, tu n'as pas envie de ton cul et ta chatte pour des photos de charme. Ouais. Il y a d'autres travail quand même. Vulgaire, hein. Je sais pas, fais quelque chose. Ça, je cherche et ça marche pas. Johan, pour le coup, là, il veut me quitter. Mais bon, de toute façon, je m'en fous. Hein. Tant pis. Hein. Ah, en plus, tu vas faire ton mari par rapport à des trucs de cul. Des photos de merde. Il veut pas nous suivre et... Voilà, mais c'est où ton travail? Je vais devoir déménager, mais... Et tu vas déménager où? Je vais devoir déménager loin. Mais après, si tu veux que j'arrête, tu peux me filer 1300 euros par mois. Hein. Ouais, c'est ça. Tu crois que je vais aller faire 10 mètres de trottoir et puis je vais filer l'argent derrière. Ça te va ou pas? Non. Ah, voilà. Tu peux bien me filer 1300 euros. Oui, c'est ça, tu vois, je ne sais pas. J'ai pas tes soeurs à payer, j'ai pas mon loyer à payer et tes soeurs à nourrir peut-être. 1300 euros, tu peux me filer alors. Une rallonge, mais t'es malade ou quoi? Non. Une rallonge, tu veux que je te donne la rallonge électrique, je te la donne, il n'y a pas de problème. Mais t'es marrant, je te parle sérieux. Mais moi aussi je te parle sérieux, tu commences à m'énerver sérieusement là. On raconte tes conneries là, comme quoi que tu veux travailler dans le truc de cul là. Mais t'es complètement frappadingue ma pauvre fille. Mais il y aura quelques photos lingerie et d'autres à poil sur Internet. Ouais, tu sais quoi, les photos lingerie, après quand tu vas faire montrer bien tes fesses, vas-y, tes seins, vas-y, c'est rien l'image que tu vas donner à tes enfants. Ben, ça va, je suis bien foutue, donc c'est bon. Ça va, t'es gaulé comme un pompier que tu dois te raconter, hein. Bah ça va, abuse pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu fais n'importe quoi, ça continue. Et après? Il y a encore d'autres trucs à me raconter ou faut que je m'assoie encore et je m'allonge pour écouter? C'est rien quoi, je vais mettre ça sur internet, il n'y a pas grand chose, c'est bon. Écoute, hein. Mais si tu veux, je vais devoir déménager avec les petits à Montpellier, donc tu pourras plus les voir, quoi. En plus, tu me prives mes petits-enfants. T'es une ouf, toi. Tu sais, les relations que j'ai avec mes petits-enfants et tu vas déménager pour un travail où tu vas faire monter tes fesses. On ira te voir en train, je sais pas, j'ai la voiture maintenant. Ouais. Fais ce que t'as à faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est du frappadingue. Frappadingue de quoi? Ferme-la, c'est bon. De quoi? Je dis c'est moi qui ai dit ferme-la. C'est bon. Bah oui. C'est moi qui ai dit ferme-la. Ah oui. Ah, t'es une ouf dans ta tête, toi. Calme-toi. Hein. Mais je suis pas une ouf, mais tu parles pas de ta copine. De quoi? Tu me dis je trouve pas de boulot et tout, et là maintenant, quand je te propose un truc, tu veux pas. Tu m'as dit à moi, ta mère, de la refermer. Bah oui. Mais t'es dingue dans ta tête, toi. Hein. Vous êtes plusieurs Ferme ta gueule. Pardon? Ferme ta gueule, mais t'es ouf dans ta tête, toi. Viens pas chez moi, je te fracasse tes dents. Même pas tu rentres chez moi. Tu peux faire une croix dessus. Tu vas fracasser quoi? Arrête un peu. Fracasser quoi? Je fracasse ta gueule, tu vas voir, ça va faire du bien. Ça va te dresser les côtes un petit peu, va être poli, va. Viens fermer ta gueule à sa mère, non, mais j'hallucine, là. N'importe quoi. Tu réagis vraiment mal. Ah bah oui, tu me dis tourner ma gueule et je réagis mal, je vais baisser mon froc peut-être pour être contente. Bah oui, tu parles trop. Ouais. Je parle trop? C'est toi qui parles trop. C'est toi qui parles trop, c'est toi qui dis n'importe quoi, c'est pas moi. Bah non, mais je t'ai rien dit, si je dis ferme ta gueule, c'est pas grand-chose. Hein. Ah non, tu me dis ferme ta gueule, c'est pas grand-chose, tu veux que je réagisse comment? tu me dis ferme ta gueule et je dois réagir en rigolant. Non, mais attends. On va commencer la séance photo là. Oh, Laura, on commence la séance photo là. Faudrait arrêter de parler un peu. Je suis là. Qui c'est qui parle derrière toi, la seconde photo là? C'est mon producteur. Voilà, il faudrait que tu te dessapes un peu. Mon producteur de cul, ouais. Si tu pouvais te foutre un peu à poil pour qu'on fasse les photos, d'accord? Voilà. Mais il est dingue, là, lui. Mais ouais, de cul, sinon moi ça culotte là. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Vas-y, non, complètement. Allez, enlève tout, c'est moche ça, c'est moche. Ouais, pas mal ça. Bon, bah, on y va. Ah, bah, bravo, je te félicite pas. Et qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle? Et lui, c'est qui parle? Qui ta bouche là? Attends, je vais lui parler là. Allô, t'es qui? Mais t'es qui toi pour parler comme ça? Ouais, je suis Jackie. T'es qui là? Jackie et Michel. Jackie les couilles, ouais. Bah non, ah non, ça c'est non, ça c'est pas notre truc, non. Enfin, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas mon nom. Bon, faut arrêter de nous déranger pareil, là, parce qu'on est en train de faire une petite série là qui s'appelle Toute nue dans la cuisine, avant que le réparateur de lave-vaisselle arrive. Donc, ça va promettre, ça va être beau. Bon, baisse d'un ton toi aussi, parce que toi, je te crois cacher la gueule comme avec ma fille. Ouais, mais toi, baisse d'un ton, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Tu baisses d'un ton, tu sais qui je suis? C'est attends, qui? Bah Jackie, je viens de le dire il y a deux minutes. Jackie, Ben non, Jackie et Michel, ça c'est tout, voilà, c'est. Jackie, Michel, on fait des photos, voilà. Chez nous c'est la classe, le sexe c'est la classe, encore une fois. Non, maman, arrête de déshabiller, c'est bon. Ouais. Voilà, Laura, Laura va être déshabillée, là, on n'en peut plus là. Attends, Laura va pas passer. Vas-y, déshabille-toi. Il y a le réparateur de la photocopieuse qui arrive dans deux minutes. Je suis content là. Ah là, tiens, bah il vient d'arriver, Angelo. Ça va? Ouais, bonjour. Ça va, Angelo? Elle est où, la petite? Ah, là, c'est bon, elle est bonne. Oh, elle est tankée comme il faut. Je vais mettre en mise. Ça y est, c'est bon, j'ai fini. Ah, voilà. C'est bien. Angelo, va te mettre tout nu, toi aussi, Angelo. Ouais, ça va continuer comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle parle encore, là, Peggy? Bah, non, mais c'est rien, maman, abuse pas non plus. Là. C'est juste des photos de charme, mais c'est pas des films porno. C'est des photos classe. Ouais, des photos classe. Tu as pas que tu vas mettre dans un calendrier. Ah non. Ouais. Ah, c'est même pas. Non, c'est sur internet, il faut aller voir dans le blog, c'est classe. Ouais, sur internet, ça va pas. Mais il y en aura à poil et à la lingerie. Oh, Peggy, c'est bon, arrête de le prendre mal comme ça, tu fais chier, t'es coincé. Maman, parle bien aussi, t'as rien fait. Hey. Toi aussi, mets-la en veilleuse, tu la ramènes pas. On la met tous en veilleuse, alors d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut venir aussi, maman? Je peux m'en occuper aussi. Je crois que tu vas la mettre en veilleuse aussi, toi. Maman, ferme ta gueule, Ah, mets en veilleuse. Ça veut dire quoi en veilleuse? Ça veut dire c'est la demi-molle? En veilleuse, ferme ta gueule. C'est clair. C'est ça veut dire ferme ta gueule. Ah, d'accord. Ça y est, c'est bon? Ou il faut que je sois encore plus clair? Bah oui, sois plus clair parce qu'on comprend pas. Parce que j'étais clair? Non. Non, je pense que j'étais au maximum là. Non, on n'a pas bien compris. Ah, moi je suis au maximum. Hein? Ah, calme-toi! Fermez vos gueules. Ça vous va? Ah bon? Ça y est, c'est bon, je me suis bien énervée là. On t'enverra des photos, maman. Oh, arrête, maman, tu nous lâches un peu. Là. On arrête, hein. Maman, je te donnerai un album juste pour toi, maman. Que garde ton album, tu t'en refractues avec. Peggy. Quoi? Bon, on peut parler quand même. De quoi? On peut parler quand même. Je suis au maximum là, alors. On peut pas parler. Bah, on peut dire que c'est une blague et que je m'appelle Koé, qu'on est sur Énergie, que c'est pour rigoler. Et que jamais elle a fait de photos de sa vie, elle a pas envie d'en faire, c'était juste pour t'énerver. J'ai entendu Koé. Bah oui. Koé Énergie. Oui. C'est pas sérieux là. Mais si, c'est sérieux. Ah bah, me défoncer. Écoutez le public. Oh c'est cool, Koé. Oui, là, je vais te défoncer quand tu vas rentrer chez moi. Elle va défoncer tout le monde. Moi aussi, je vais aller. C'est normal. Je vais te défoncer quand même. Ah, moi aussi, je vais me faire défoncer. Tout le monde va se faire défoncer alors. Bon, non. On te fait un gros bisou. Mais c'est pas sympa la blague que tu m'as fait là. Mais c'est ça qui nous fait. Laura, quand tu vas rentrer. Défoncer, tout le monde va se faire défoncer. Laura va reprendre avec sa PS4. Et DVD de Warcraft. Et pourquoi m'a mis en colère comme ça là? Comment? C'est pourquoi on m'a mis en colère comme ça là? Ah bon, on t'expliquera tout ça. Ça s'appelle le super jeu, c'est un carton. Voici les trois mousquetaires. Allez hop là. Moi, sans vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur qu'on s'est promis. Oh, moi, sans nous, qui peut dire qui je suis? Quelqu'un ici, un autre ailleurs.

Le commencement en Blu-ray et DVD avec énergie. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. 50. 50. Ah, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, même 50, la nuit, c'est grave. 50, bah, il souffre d'une quinquagite. 50, une quinquagite ? Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99€ par mois. 50, et ça soigne ? 50, ah oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci, Free. Merci, docteur. De rien, déshabillez-vous. 50. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec mobile 4G. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Slimane. Son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Et vous allez kiffer cette émission avec la jolie petite Zara Larsson qui sera là. Autant pour moi, c'est donc vendredi. Mais on sera là quand demain même. Ça souffle. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, vendredi. Oh, putain, je sais plus où on en est, moi. Cette semaine, je ne l'ai pas vu passer encore. Je ne l'ai pas vu passer. Elle passe trop vite, les semaines. Le week-end, donc One Man à Samé dans le nord de la France. Ouais. Mix à Sainte. À côté de Royan samedi soir, donc ça me fait plaisir d'aller vous voir là-bas. Et lundi, deux œufs ou la poule. Les œufs ou les poules. Qu'on va tourner et qui vont être un gros carton, je l'espère, parce qu'on va kiffer de faire cette émission avec plein d'invités. Ça va être une tuerie, des œufs ou la poule. Des œufs ou la poule. C'est chiant dire. Ouais, mais non, c'est l'œuf ou la poule, mais deux de suite, on en fait deux. Enfin, ouais. On tourne quoi, lundi. Donc voilà. Dépêchez-vous, si vous voulez venir au studio, il y en a plein qui voulaient venir, je crois que c'est Clap. Ouais. On va vous faire tourner le lien. On va vous faire tourner le lien sur mon Twitter. Vous inquiétez pas. Inscrivez-vous sur boxallinclusive.com. C'est la dernière ligne droite pour gagner votre dernière box. Mika, hier, est allé à l'école. Ça s'est passé comment avec la demoiselle alors? Bah, c'était super. Elle était contente? Ouais. T'as conclu? T'as conclu, t'as réussi, non. J'étais sage, franchement, j'étais sage. Tu chauffes comme un petit porciné, toi, quand même. Hein. Mais non, j'avais très froid, c'est pour un peignoir. Il se fait plaisir. Hein. Ouais, bien. T'as vu comme il se fait kiffer? C'est ça, la société générale. C'est le mec qui se met bien, en fait. Un gros barbu la prochaine fois qu'il gagne un truc. Pourquoi que des nanas? Ouais, c'est vrai. Inscrivez-vous sur Box Inclusive, vous choisissez vos cadeaux et vous aurez peut-être Mika qui viendra chez vous vous offrir tout ça. Dans un instant, on aura Louis. Ça va, Louis? Bien, toi, Koé? Ouais, mon gars, t'as 15 ans. Tu me dis, tu nous envoies un mail à koé@energie.com. Inscrivez-nous là-dessus, inscrivez-nous sur notre Facebook aussi, Koé officiel, sur notre Twitter, follow-nous. Et sur notre chaîne YouTube, dépêchez-vous, continuez de nous suivre dans le public. Kim s'est abonné à ma chaîne YouTube. Putain, l'échec, que la moitié du public. Les autres, ouais. Tu sais que moi, je suis même pas abonné non plus. Quelle salope! Mais non, parce qu'il faut s'inscrire. Sérieuse? Mais parce qu'il faut s'inscrire. Moi, je crois que j'ai pas de compte YouTube. Ouais, il faut un compte Gmail, machin, bon, et enfin, ça. Et j'en ai 2 700 000 qui me suivent et les gens de mon équipe, pas toi. J'hallucine. Et non, parce qu'il faut créer un compte, c'est compliqué d'être sur YouTube. Je vois une follow sur Twitter. Mais non. Moi, je te suis. Voilà, c'est quoi? Regarde, Julie officielle, regarde, quand tu vas te dégager de mon Twitter. Voilà, je le ferai quand tu m'auras suivi sur ma chaîne YouTube. Il faut créer un compte et tout. Julie off, allez, se désabonner dans ta gueule. Il est grave. Voilà, prochaine fois, tu me suivras sur ma chaîne YouTube. Et Pietre aussi. Mais non, mais c'est bon, je te suis en fait. Je suis abonné. Je suivrai la longue liste des gens qui se désabonnent sur Twitter. Allez, Pietre officielle. Je l'ai fait avec Guéguette l'autre fois. Voilà, Pietre officielle, tu vas encore en perdre un, c'est fini. Hein. Moi je te suis. Voilà, très bien. Je me réabonnerai à vous quand vous me suivrez sur ma chaîne YouTube. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais il faut créer un compte. 7 ans. Il y a 2 700 000 personnes qui savent le faire et vous, vous savez pas le faire. Mais faut créer un compte. Hey, on dirait Tata Jeannette, on dirait Gmail, une vieille au bout de la table. J'ai pas de compte Gmail. Ouais, comment on fait, faut s'inscrire, ça m'a l'air difficile. Mais j'ai pas de compte Gmail. Toi, faut que t'arrêtes la messe, hein. Faut que t'ailles faire mais des trucs un peu plus jeunes. Abonné. Mais bien sûr que j'ai un compte Gmail, comment j'aurais ça sinon. Mais quoi, t'as un compte pas d'idée pour moi. Wanadoo. Hotmail. Guéguette. Liberty Surf. Merci. Hotmail. Guéguette, il est abonné, donc je te garde. Les deux là, je viens de vous unfollow de mon compte Twitter. Vérifie les autres, je suis pas sûr qu'ils soient abonnés non plus. Bon, rien à foutre, il me follow pas alors. Ça, tu vois, et après il nous reproche à Mika. Nous. Mika, tu joues gros. Oui, moi oui. Non, non. Ah, si, si, si, bah, si, c'est le weed les bouf ça. Ben non, c'est pas vrai. En plus, moi j'ai ma chaîne YouTube aussi, mais oui, donc oui. Oui, je te suis. Il a trouvé YouTube. Le moyen de caser qu'il avait sa chaîne YouTube. Bien vu, Mika. Donc demain, si vous voulez que je vous refollow dans l'émission, vous venez avec une preuve, une capture d'écran, preuve à l'appui, comme quoi vous me suivez. Je Julie, tu demandes des conseils à un ingénieur informatique. Ça, mais ça se trouve, je te suis, j'en Louis, sais rien. Comment on fait pour suivre? Sur la chaîne Koé, tu peux abonner. Mais t'es flippante, tu connais absolument rien ces trucs-là en fait. Bah non, mais YouTube, moi, c'est pas mon truc. Va falloir qu'on prenne peut-être des gens plus jeunes dans cette émission. YouTube, c'est pas mon truc. Tu vois, Julie, quand tu seras sur Chéri FM, tu feras des trucs super. Tu diras, ah, alors aujourd'hui, le bricolage, comment réaliser un truc en pâte à modeler avec vos enfants. Non, tu veux pas faire du téléachat? Ah, tu serais bien dans le téléachat. Il y a Louise qui est en ligne. Ça va faire une semaine que je suis avec ma copine et je vais pour la première fois dormir chez elle ce week-end. Ayant 15 ans, je ne sais pas comment ça se passe et comment voir si elle a envie de faire des choses. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Ne bouge pas, Louise, on s'en occupe dans un instant. Loris voulait parler. Oui, Loris. J'ai réentendu le bruit et je crois que je suis sur le point de trouver qui fait ce bruit. Ah. Après la musique. Restez avec nous. L'enquête continue. De quel est ce bruit que nous entendons qui fait le tour pendant le studio? Je suis abonné. C'est vrai. Je te l'avais dit. Pierre. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. Rougit. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Smiley avec les yeux cœur-cœur. Ouais. Bon, j'espère que ça va. Smiley avec les yeux cœur-cœur, vous aussi. Et bisous, cœur, smiley jaune. J'espère que ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ça y est, je me suis abonnée à la chaîne YouTube. Et grâce à moi, t'as passé un cap. Eh, mais moi, j'étais déjà abonné en Regarde, fait. Regarde, t'es en rond-rond, en 0000. C'est combien en... en 2 770 000. 2 770 000 ouais, abonnés grâce sur ma à chaîne moi. YouTube. Tu vois, j'attendais le bon moment. Bravo, bravo. Certes. C'est un peu grâce à toi. Certes à toi. Voilà. Bon, bah, je vais te re-suivre sur Twitter. Je suis fière. Et moi, j'étais déjà abonné en fait. Et je t'ai re-suivi, Pierre. Merci. Voilà, je t'ai re-suivi. On est perdu sans toi, t'as vu à quel point. Et Mika, t'as toujours ta chaîne YouTube, c'est bon. Ouais, bah, elle marche pas, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. L'important, c'est que je suis coco. Louis, 15 ans, attention, Louis vit un problème important, excusez-moi. Louis va donc passer le week-end chez sa copine, il a 15 ans, je le rappelle. Allez. Et il sait pas bien ce qui va se passer. Tu vas être long. Tu vas dormir où? Bah, avec elle. Excuse-moi, elle a des parents, cette demoiselle? Oui. Et les parents, ça les dérange pas qu'un gamin de 15 ans avec le zizi prêt à sortir du pantalon en 2 secondes dorme à la maison? Bah, apparemment non. Moi, mon copain, il venait dormir à la maison. Oui, mais au bout de combien de temps? Ouais, mais vous aviez combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 6 mois. Ok, vous savez combien de temps, Louis, avec ta copine? Une semaine. Une semaine, c'est hardcore. Ouais, oui. Je peux te dire qu'un mec qui est avec ma fille depuis une semaine, je peux te dire qu'il franchit pas déjà pas franchement la porte d'entrée, mais d'ici à ce qu'il franchisse son lit. Et pas prêt de franchir son pyjama. Hein, ta pauvre fille, elle va en chier. Moi, je dors entre les deux. C'est pas elle qui va en chier, c'est les mecs qui vont en chier. Ah ouais. Ah non, non, non, mais c'est une semaine, mec. Mais les parents, ils font attention ou pas? Mais jamais tu laisses dormir ta fille avec un mec que tu connais depuis une semaine. À 15 piges. Mais ils se connaissent depuis longtemps, peut-être, non? Ah oui, oui, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Ah, c'est bon. Genre quoi? Deux semaines. Bah. Non, ça doit faire un an qu'on se connaît. Ouais. Et les parents, ils te connaissent? Ouais. Je suis devenu en copain plusieurs fois. Mais moi, tu dormirais pas dans le même lit. Hein. Moi, si j'étais le père, tu dormirais pas dans le même lit. Tu viendrais, tu dormirais dans un lit à côté, dans une autre chambre. Voilà, pas dans le lit. Dans le jardin. Ouais, attaché dans le jardin, puis le chien dans le lit. J'avoue. Ah, c'est hyper prématuré là pour attends, dormir parce ensemble. Que tu sais quand même qu'elle va toucher ton zizi. Mais elle a dit quoi du coup à ses parents? Elle a dit j'ai mon amoureux qui vient dormir à la maison. Bah oui. Alors que ça fait une semaine que vous êtes ensemble. Mes parents vont dire génial, tiens, ils le connaissent, il est déjà venu et tout, donc ils doivent avoir un petit peu confiance en ça lui. Ça fait qu'une semaine qu'ils se font des bisous. Et vous en êtes où tous les deux à ce niveau-là? Déjà chacun de votre côté. Les bisous, quoi. Non, mais chacun de votre côté, vous avez fait des trucs. Une semaine, Pierre. Ah, non, mais chacun elle, de votre côté. Mais pas moi. Voilà. Ah ouais. Donc ouais, c'est. Il y a des chances qu'elle t'attrape le business dans la nuit. Hein. Ah oui. Elle va attaquer. Non mais déjà, toi, t'es un garçon. Ah, au bout d'une semaine, Louis, les gars. Louis, je vais te dire un truc. Il y a une expression chez les mecs qu'on emploie, c'est tu vas dormir sur la béquille. Oui. Parce que à mon avis, toi, tu vas te taper une érection de malade, comme un dingue qui va durer une partie de la nuit. Mais ils peuvent juste dormir ensemble et c'est des câlins. Ils ont 15 ans. Mec, même quand tu dors tout seul, tu tapes des érections. Attends, donc t'imagines avec une fille. T'as 15 ans, tu dors avec ta nana, t'as qu'une envie, c'est d'avoir la main baladeuse et elle aussi. Enfin, c'est sinon tu dors pas avec. C'est normal et tout. Non, non, mais c'est un truc de ouf. Tiens, j'ai un chiffre qui vient de tomber. Merci, Guillaume. En moyenne, écoute bien cette info, Louis, elle te concerne. J'espère que les parents de cette jeune fille n'écoutent pas l'émission. En moyenne, un garçon a 11 érections par jour et 9 par nuit. C'est pas mal. Ah ouais. C'est énorme, 9 par nuit. 11 érections par jour pour rien. On est là, on est dans le bus. Boum. Moi, des fois, c'est comme je suis quand même. Mais attends, t'as pas 20 érections par jour. Bah, si, si. La nuit, tu les contrôles pas. Et la journée, c'est pareil. Des vibrations, un bus, un machin. Souvent, elles arrivent quand t'as pas envie. Dans le bus, ouais, souvent. Ouais. Ouais, mais ça dure pas. Moi, dans les transports. Ouais. Le fait que ça vibre un peu. Toi, tu prends les transports, toi. Mais en vrai, le train, l'avion. Le TGV, l'avion, des fois, ça arrive. Ouais, à chaque fois, pareil. Moi, dans le jet privé, dans l'hélico, ça me le fait à chaque fois. Dès que ça vibre un peu, moi ça voilà ah ça ouais, sert t'es à rien. Sensible à ça mais c'est une petite c'est pas une érection de désir, c'est une érection de tu sais pas quoi d'ailleurs. Ouais. Mais tu prends pas les transports tous les jours non plus. Bah dans ta voiture t'es juste à côté dans la voiture, voiture. Dès que t'es dans la voiture ça peut arriver. C'est-à-dire, mais je suis pas le seul, Julio, beaucoup de c'est mecs, scientifique, hein. 11. Bah ouais, t'as vu sa bagnole, n'empêche, il y a de quoi. Hein. Ouais, j'avoue. Rien que quand je la regarde, je la vois, j'ai une érection. Mais 11, ça me paraît énorme quand même. 11. Et 9 par nuit. Alors ça, c'est encore mieux, parce que vous dormez, vous êtes un garçon, vous ne pensez à rien. 9. C'est quasiment toutes les heures, t'as une érection. Oui, c'est comme ça que c'est d'ailleurs, c'est ce qui compte toutes les heures. Ton, rêver, hein. Aux heures pile. C'est la grande aiguille. Ouais, mais Julie est en train de se dire. C'est du, Julie, dans sa tête, là, tu sais ce qu'il y a. C'est du gâchis, toutes ces directions. On a quand même mal, les gars. Toutes non, les heures. Je sais pas, à la limite, je sais pas, faudrait qu'on soit utile, faudrait qu'on se mette une petite dynamo, nous les mecs, sur le bout du zboob. Ouais. Comme ça, chaque, tu fais de l'électricité, tu ouais. Ouais, c'est ça. Chaque érection, tu remets ton iPhone, fais hop là, vite, ça va. Avec le nombre de fois que je vende par nuit, il va faire exploser. Qu'est-ce qu'on lui. En plus, t'as un Samsung, c'est chaud. On lui conseille quoi, Louis? Parce qu'il sait pas comment ça va se passer. Bah, lui, qui se laisse aller, hein. Décharger de la vie avant. Mais les parents, ils sont là, en oui. Plus ce soir-là. Ils guettent la maison. Ils sont là, ils sont pas dans le lit, quoi. Mais déjà, ils sont dans la maison. La chambre, elle est collée, tu sais, ou pas? Non, elle est, la chambre est au premier étage d'après et toi, au rez-de-chaussée. D'après toi, elle va dormir dans quelle tenue? Ouais, ça, c'est. Oh, ça, il en sait rien. Je sais pas du tout. Oh, Marc, tu me diras, moi je dormais en nuisette avec mon copain hein, et ma mère était là. Hein. Je me réveillais le matin, on prenait le petit déj et tout. Et t'avais quel âge? Bah, j'avais 15 ans aussi. Ta mère, cool. Mais sans déconner. Ouais. Et j'allais chez lui aussi, avec sa mère et sa petite sœur et tout, et il n'y avait pas de problème. Mais on était amoureux. On était amoureux. Mais c'est pas envisageable. Mais tu moi, peux, ça faisait tu pas une semaine aussi. 15 ans. Qui dans le public a déjà ramené son copain à la maison? Dans les filles ou. Comment s'appelle la demoiselle? Le prénom? Tatiana. Quel âge tu as, Tatiana? J'ai 15 ans. Oh là là. Ah. Et il est venu dormir à quel âge à la maison? À 13 ans. Oh là là, oh là, là. C'est on a battu le record là. Mais il est venu avec une équipe de tournage. 13 ans, comment il s'appelle? Bruno. Vous êtes encore ensemble? Oui. Oh là ah, là, c'est là, beau là. Quoi? Ah, ça fait jamais que 2 ans, Julie. Bah oui, bah c'est bien. Ah, oui, mais là, c'est bien. Vous m'inquiétez pas. Qu'ont dit les parents? Rien. Rien, tes parents n'ont à rien dit. 13 ans, c'est quand même jeune. Quel âge il avait quand t'avais 13 ans? Il ah, avait mon âge. Oh là là là là là là. Et la nuit, t'as dormi comment? En pyjama Stitch. Je vous avez rien fait. En fait, j'ai l'impression que quand les parents c'est achètent un pyjama pourri, c'est qu'il va y avoir ouais. Une nuit d'amour et on va ouais, c'est vrai, c'est pas con. Quand hein. Est-ce qu'elle vient avec son copain? Prends-lui un pyjama Lilo et Stitch. Et, j'aimerais trop que ta fille débarque en pyjama. Putain, c'est quoi? Je crois que maintenant, je vois ma fille débouler avec un pyjama licorne. Je dis, tu l'as. C'est un truc. Bisous, Louis. Tu nous tiens au courant, par contre. Je veux un coup de fil lundi, d'accord? D'accord, et merci. Si ça dérape, et si ça dérape, préservatif, hein, c'est important. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold. I will still be patient with you. I'm nothing but more toy selector. Koué, 19h-22h sur Énergie. On est là, bienvenue sur Énergie. Le dossier nous a tellement plu, le dossier de la première fois, que cette semaine, si on essaie peut-être demain, non, de faire un dossier spécial première fois. Si tu veux, ouais, demain. Comme, on garde le thème. Mais envoyez vos mails alors. Envoyez vos mails koué@energie.com. On veut savoir un peu les premières fois, si ça s'est bien passé, conditions étonnantes, l'âge, qu'on prenne un peu des extrêmes demain. On prendra des très jeunes, des vieux. Des, surtout des ça s'est bien passé, des ça s'est mal passé, ouais. Des ça s'est pas passé comme prévu, des trucs comme ça. Ok. Voici le grand blind test de l'émission d'hier. Est-ce que vous croyez qu'un jour ils vont me mettre de l'huile dans ce pied de casque? Je sais pas. Écoutez. Micro. Non, mais est-ce que depuis deux, trois jours d'émission, les gens se rendent compte que. Il y a des bruits quand je bouge. Donc... Je le fais pas forcément. Ça grince. Non, mais bon. Bah, je vais le faire plusieurs fois quand les gens se rendent compte. Alors, je pense qu'il faut que je le fasse. Je pense que tant que je l'aurai pas fait plusieurs fois, l'équipe technique ne se rendra pas compte qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, on va continuer. Hein. Ah, ça le fait plus. Ah, si. Ah, si. C'est pas grippé ce matos. Hein. C'est du bon matériel. Ouais, c'est du bon matériel pour le coup. C'est bien. On dirait le vieux truc que tu remontes, tu sais. Ouais, on dirait un vieil animateur radio nostalgique qui essaie de bouger. Ça coince, j'ai le dos qui me fait mal. Pour l'instant, voici le blind test spécial journée de la fille. Hier, c'était notre émission spéciale fille. On a kiffé pour le coup, c'était bien. Nous allons, je rappelle qu'aujourd'hui, pas une seule vanne. Ouais, c'est vrai. J'avoue, les gars, j'avoue. Pietre, il a pas fait une seule vanne. De toute façon, il est en salaire minimum aujourd'hui. Arrête de dire non, ça. Non, aujourd'hui, ça a été en... autant des fois, c'est... il faut te calmer. Là, rien aujourd'hui. Non, mais je fais gaffe aussi. Bah, tu fais gaffe. C'est l'un de nous deux qui va aller en nana. Si moi, je fais gaffe et tu fais gaffe, il n'y a plus de vanne alors. On va pas s'en sortir. Donc, je rappelle que si on arrive à 10 bâtons, on fait une émission en fille. Merde, ça. Vous avez pas l'air d'avoir envie. Ah, j'ai pas envie. On veut ça. La vidéo du. On va vous l'amener du range ta chambre. On va la monter puisqu'on est allé faire un range ta chambre. C'était vachement bien. Ouais. On vous en parlera. On a mis des tweets, des machins et tout. Vous verrez, on aura la vidéo qui va arriver. C'est voilà. Mets ton casque. Monsieur Guinet, pouvez-vous mettre votre casque, s'il vous plaît, monsieur. Oh, monsieur Guinet qui fait beaucoup de choses ici. Monsieur Guinet. On voit qu'on m'appelle en urgence. Mettez le casque assez fort. Ah, ils sont venus à deux, regarde. Vous m'entendez? Ça va, ouais. Vous m'entendez? Dites-moi si à partir de maintenant il y a quelque chose qui vous gêne au niveau du son. Trois fois rien. D'accord. Non, mais je me rends pas compte. Les gens disent il y a un petit bruit, mais on ne sait pas bien ce que c'est. C'est léger, je sais pas ce que c'est, comme un petit fond en fait. C'est léger, c'est un petit bruit de pied de micro. Très fin, ouais. Mais il est, ouais. Hein, voilà, c'était tout. C'était voilà, pour savoir. Okay. Si... Bon, voilà. En même temps, il va dire ne joue pas avec graisser, non plus. On va le graisser. On va le graisser avec une burette. Bon, voici le blind test spécial chanson de fille. Que ça des fait chansons longtemps de qu'on nana. A pas fait un blind test. Hein. Julie contre Pietre. Je compte les points. Ah, merci beaucoup. J'étais à deux doigts de faire la grille. Koé contre Julie, contre Pietre, contre Guiguette, contre Mika, contre Stouf. Spécial chanson de fille. Vous êtes prêts? Venez là alors. Tu joues pas? Pourquoi tu joues pas, toi? J'ai dit Koé. Ah ouais, d'accord. Vas-y. Mais là, mais non. Qui a les sons? Et qui a les réponses, surtout? Non, c'est moi qui ai les réponses. Ah, moi, j'ai aucune réponse. Mais okay, pose le téléphone. Portable. Ah ouais. Pas de téléphone. Pose le téléphone. Téléphone portable à l'envers. Mika, il est où? Stouf. Mika. Ah, Mika est... Bon, il est parti pisser. Il joue pas. Oui, de toute façon, il est nu. Donc... De toute façon, il est nu. On y va. Lady Gaga. Britney Spears. C'est moi. Oh. C'est moi. J'étais pas prêt. On l'a refait. Non, mais j'étais pas prêt. On l'a refait. Womanizer. Ouais. Britney Spears. Attends, j'ai cherché. Non. Qui l'a dit avant? Pour moi, c'est moi, mais. Un point pour Julie. Bon, mais Julie. Monte le son parce que je n'entends pas assez bien, moi. Hein, donc il faut. Fais gaffe, Floris, tu hurles dans le micro. Allez, on y va. Mets le casque. C'est Pietre. C'est Stouff. Non, c'est Pietre. Non, tu rigoles. Je rappelle que hurler en faisant des. Sert à rien. On n'a pas le droit de faire ça. C'est l'anti-jeu. C'est moi qui trouvais Beyoncé, mais. On y va, on continue. Ah, ça. Je l'ai dit avant. Non, oui. C'est Coco. Ouais, j'avoue. Say goodbye for yourself, you say goodbye. J'aime bien ça. Je connais qu'un mot. Ouais, si. Ah, qui Pokora. C'était un truc à la piano, c'est un des deux. Ok. Elle est pas bon, Pokora, non. Elle a pris le devant, là, Stouff. Le nouvel album de Nice Girl. Non, c'est bon. Bon, les points, on en est où là? Là, on est à 3 points, Koé. C'est mon coach. C'est mon coach sportif, pas sûr, mais il savait dire allez, vas-y, enchaîne. C'est inaudible. Mais je l'ai dit aussi. C'est nous deux. Faisons un classement maintenant. On va éliminer quelques-uns. Koé premier, 3 points. Allez, tu me sors. Tu sors, voilà. Stouff, 2 points, on la garde. Julie, Piet, Guiguette, 1 point, on les garde. Allez, très bien, on continue. La mer noire. Ce week-end. Oh, ah ouais, c'est beau celui-là. Alors là, si, c'est beau. Ah bah ouais, 50 Shades, donc t'as comme une dingue. Elle regarde ça tous les soirs. C'est aussi ton fantasme. Ouais. Robbie Williams. Ah, mais arrête. C'est tous les trucs à foufoune, elle tombe dedans. On sent la célibataire. Alors, il reste Julie, Pietre et Guiguette. On sent la célibataire. Toute la musique de Bridget Jones, je les connais toutes. Assis aux toilettes, Taylor Swift. Oui, Guiguette. Non. Tu n'aides pas, sinon je t'enlève tes points sous. Ah si. Ok, solidarité féminine. Non, tu auras droit, rien à voir. On n'est pas de solidarité féminine. C'est hier, journée de la fille. Aujourd'hui, c'est journée des bonhommes. Qu'est-ce que tu fais là? Facile. Là, 3 points. C'est la chanson. Bah alors, ta chanson, tu ne trouves pas. Mais parce que vous m'avez pas laissé le temps. On est à combien? C'est ta chanson, ça. 3 points, je sors aussi. Ouais, Guiguette sortie. Il reste Julie, Piet, finale. Au sommet. Hein. Et c'est même quand c'est ta spécialité, t'es mauvaise. Quoi. Julie et Piet, vous êtes à combien de points? Un point et Piet, 1 point. On se joue sur 2 chansons. Eh, n'aide pas! Eh! Non, mais attends! Facile! Je l'ai! Ma meilleure amie, Laurie! Je serai là, toujours pour toi. Ça pue la triche. Ouais, ça sent la triche. Ça pue. J'enlève le casque. J'enlève le casque. Ça pue la triche. Il m'a pas triché. Ça pue la triche. Je l'ai vu parler à quelque chose et c'est pas moi qui l'a parlé. Les amis. Ah non, il veut pas commencer. C'est lui qui triche. Attends, Julie, excuse-moi. On est en 2016. Est-ce que tu peux me remettre l'intro? Laurie, ma meilleure amie, en 2016. Non, c'est le j'ai reconnu que c'était Laurie qui chantait. C'est plus crédible. Mais si, arrête. Pour être honnête, 15 ans qu'on a entendu notre cher réalisateur faire le geste de je parle à quelqu'un. C'est pas dans mes oreilles qu'il a parlé. C'est moi qui l'ai réalisé. C'est pas dans mes oreilles qu'il a parlé. Tout ce que tu veux, tu réalises. Tu sais quoi, retire-moi le point, vas-y. Pousse-toi, femme. C'est lui qui triche et c'est moi qui triche. Non, elle garde le point. Mais il triche mieux que toi. Non, d'où elle garde le point? Il y a tricherie, c'est évident. Il y a tricherie. Arrête, Kim Kardashian là, t'as triché. Arrête. Bon, attention, on continue. Non, virez-moi ce touffe. Ah ouais, Stouff, dégage. Ok, ça c'est l'intro et ça c'est le refrain. Ouais. Allez, on y va. Eh hey, oh, tu regardes pas toi? Ah bah non. Non mais elle me regarde pas, c'est bon. C'est important, on joue pour les bisous de fin. Facile. Bruno Mars. Bravo Julie. Tu vas te faire bisouter. Ouais, ça pue. On joue sur le dernier titre. Non mais là j'ai plus que lui. Non parce que je te le mets pas, hein, Laurie. Il a été retiré. Laurie, il a été retiré. Ok. Lequel qu'on a pas mis? Un dur. Toi tu regardes pas toi. Non mais je la regarde pas. On a tout mis. Ah non, attention, test de rapidité. Je crois que j'étais bien. Facile. Kenji. Oh là là. Bah, t'es con quoi. J'étais la maman. Eh, tu dors ou quoi, Pietre? Putain de merde. Je crois donc que celui qui va se faire bisouter, c'est Pietre. Pietre. Amenez-nous le rouge à lèvres. Amenez-nous le rouge à lèvres. Ah, c'était nous quand on trichait, je te le dis. Mais c'est pas possible que tu sois pas bon comme ça, je te jure. Pas sur Kenji. Des fois, tu me fais peur. Non, mais moi, les chansons de filles, je suis mauvais de toute façon. Ah, mais voilà. des fois, tu me fais flipper. Ça va mieux du rouge. Elle m'a aimé. Allez, amenez-moi du rouge à lèvres. Moi aussi, je veux participer. Oh, on est assez. N'appuyez pas trop fort. Merci, mes chouchous. Alors, on y va. Eh, comme dirait Robbie Williams, ça va chouchou. Ah, attends, je suis bien malade. Vous allez m'en mettre pas. En plus, toi, t'es malade. Ah, arrête, c'est bon, stop. Bisous. Ok, gagne, c'est bien. Bonjour, c'est Jules. Et mon bisou. T'as les lèvres violettes, c'est horrible. Quelqu'un fait le coup. Tu fais flipper, toi. Oh, mec. Oh, tu fais flipper avec du rouge à lèvres. Fais le coup. Bien, en plus, il est violet, son rouge à lèvres. Ah, tu lui roules une pelle ou quoi? Oh non, pour le bouche. C'est dégoûtant. Ça déborde. Ah oui. Attends, t'en fais un là. Le mien, il a bien marqué. Putain, j'ai de la bave, j'ai la tête de tout le monde. Ça me fait plaisir. Allez, on va faire une très très belle photo. Tu as bien, ta belle photo, elle est belle celle-là. Tu me la mets en PP sur Twitter, s'il te plaît. J'espère que tout va de votre côté. On est sur énergie. À tout de suite, bougez pas, on vient. On a un truc pour effacer le rouge à lèvres ou pas? J'espère. Je pense, non, parce qu'on a des trucs de prévu après. C'est une vie quand même. À tout de suite, on revient. J'habite à Villers-Boulogne, je vous rappelle.

demoiselles au téléphone, appelez-nous, mettez sur mailcoyatenergie.com, laissez des messages sur notre Facebook. À chaque fois j'en passe des messages, ils disent ouais, tu réponds pas, tu lis pas, mais si, on les voit, on y répond, on est machin. Des fois il y a des demandes, on y... Après c'est compliqué de répondre à tout le monde aussi, vous êtes pas sûr. On répond surtout aux bonnes avec les gros seins. Non, c'est surtout qu'on a, on répond pas non plus quand c'est super débile. C'est-à-dire que quand on a Kenji la semaine dernière et que le lendemain je reçois un message de quand est-ce qu'il vient Kenji, il y a un moment j'ai pas la force de répondre. Vous voyez, parce que y a des fois je me demande si vous cerveau pas allumé. On vous prévient d'un artiste et quand le mec le lendemain vous me le choisissez, vous me faites ça des fois avec le one man. Mm. Je dis une ville pendant des semaines, le lendemain, quand est-ce que tu viens chez moi? Bon, ok, bah, c'est pas grave. Alors, arrête de me montrer du doigt, toi. Ça vaut un bâton, je suis désolée. On regarde que les messages des bonnes aux gros seins. C'est vrai, bâton, combien à piètre de bâton? 9. Ouh, c'est chaud. 9. En fait, on a des micros qui ne s'allumeront jamais. On est d'accord que on est d'accord qu'on est la première émission de France et que dès qu'il y a un mec qui parle, on entend 9. D'accord, ok. C'est bien. Miraculeux 9. Qu'on soit numéro 1 avec tout ça. Miraculeux. Hein. Ouais. Vanessa, comment ça va? Pas le rester longtemps. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Vanessa. Dans un instant, on parlera d'un truc qui est un drame. T'as fait l'amour avec ton chéri et ensuite il s'est passé quelque chose. Vous voulez savoir quoi? Restez avec nous, vous le saurez après 21 Pilot. Mais ça, je pense que c'est le drame, le truc que redoutent toutes les filles. Ah ouais? J'ai peur. Est-ce qu'il est parti d'un coup? Est-ce que machin? Est-ce qu'il a crié Géronimo à la fin? Vous le saurez après, on en parle. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Dingue, hein. 22h sur Énergie. On est sur Énergie. J'espère que vous êtes en forme. Je m'appelle Koé. Il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Julie, il y a Pietre, il y a Guéguet, il y a tout le monde. Il y a Loris qui est là. Il y a l'interview de Loris et de Alex Ayono. Vous pouvez aller voir. Il y a ceux qui répondent au téléphone. Il y a Stouff et Mika. J'ai oublié mon Mika. Mika, le dragueur show. Avec sa chaîne YouTube. Comment ça va, Vanessa? Salut, ça va, merci. Bien, ma chérie. Vous. Ouais, ça va pas mal. Vanessa, attention, quand je disais ce qui lui est arrivé ne ferait plaisir à aucune fille. Je te laisse nous raconter. Ah, je peux vous assurer que moi, non. J'ai jamais fait cette gaffe. Hein. J'ai jamais fait ça. Encore heureux pour toi. Un peu de prénom. C'est ce que j'allais dire. Ok, au revoir, Vanessa. À bientôt. C'était super. Voilà, le truc est tombé en 3 secondes. Bah, voilà. Quoi, il y a tout tué là. Il y a tout tué aussi. C'est ça. C'est en fait hier en faisant l'amour avec mon copain. Bah voilà, il a dit le nom d'une autre, quoi. Il a dit le prénom d'une autre fille. Aïe. Et du coup, il m'a sorti un prénom. Au début, j'ai pas vraiment fait tilt. Ah, t'as pas fait tilt. Le mec, il t'appelle du nom d'un autre prénom. Tu dis, tiens, je fais pas tilt. J'ai senti le malaise. Mais non, on a continué à faire notre affaire. Est-ce qu'il l'a fait deux fois? Non, une fois. Hein. Non, il a fait qu'une fois. Mais dans l'action, il a dit le nom. Mais moi, au début, je me suis dit, non, j'ai mal entendu, quoi. Enfin, on a continué. Tu seras pas. Il m'a appelé Marine. Il m'a appelé un nom, en fait, que je connais même pas. Oh, Marine, Vanessa, c'est pareil. Ça sonne pareil. Ça sonne pareil. Moi, je veux dire, t'es un gars, t'es dans l'action. Tu fais, oh, Marine. Non, mais je sais pas si c'est Marine ou Marie. Du coup, je suis en train de psychoter. J'ai passé la journée sur son profil Facebook à essayer de trouver une Marine. Vanessa, arrête de parler, tu parles trop. Vanessa. Guéguetissimo vient de trouver que les filles qui s'appellent Marie et qui s'appellent Vanessa, à 90% leur mec des fois se trompe et le prénom qui vient à la place c'est Marine. Ouais, c'est vrai. Bien tenté. Si c'est vrai. Si, c'est de l'étymologie en fait. Des fois les gens disent Kevin. Ah ouais, Sébastien, Kevin. Ça c'est vrai, ça sonne pareil. C'est les mêmes racines. Mais non, Marine. Alors mettez-vous à l'inverse. Vous êtes avec une nana, vous êtes en train de faire l'amour et tout ça. Elle crie de ouf et elle crie le prénom d'un autre gars. Tu réagis comment, toi, là, en face de moi? Franchement, je crois que ça me ferait rire. Ça te ferait rire? Je crois que ça me ferait rire. Je ne prendrais pas. Non, je pense pas que ça te ferait rire. Et encore une fois, j'ai entendu bien rire, là. C'est tu vas pas psychoter, mais ça veut dire quoi? C'est qui cette meuf? C'est quoi? C'est qui voit quelqu'un d'autre? Toi, j'ai déjà entendu parler de ces histoires-là, mais je pensais pas que ça allait m'arriver à moi, quoi. Il regardait pas une émission politique ou un truc comme ça? Il aurait crié Marine, tu vois, j'en sais rien. Ouais, ça veut pas dire que c'est une autre meuf. Ça me rend ouf, j'entends aussi. Pardon, il y a un téléphone. Ouais. C'est toi qui avais un téléphone qui sonne à côté de toi, Vanessa? Non, pas du tout. Ah, mais attends, c'est pas possible, les gars. Il y a un bruit de téléphone, il y a un fantôme ici. Ah non, promis, c'est pas moi. Il y a le fantôme du bebop qui se promène quelque part, là, qui a pas supporté que les téléphones prennent sa place. Je sais pas, il est en train de monter, chelou. On entend des bruits chelous. On va devenir ouf tout le long de l'émission. Mais du coup, ça voudrait pas dire qu'il me trompe, quoi. Mais si, il te trompe. Ah non, ça veut pas dire qu'il dit. Ça veut dire qu'il fantasme sur une autre, oui. Ça veut dire qu'il va le faire dans pas longtemps, s'il l'a pas fait déjà. Ça veut dire qu'il fantasme sur une autre, oui. Il fantasme sur une autre. Ouais. Bon. Ah bah oui, c'est... Mais t'as regardé, t'as dit son profil Facebook, t'as vu des maris, des marines. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé quand de marine. Quand on est à dire un autre prénom. Alors après, attention, parce que ça peut être aussi un prénom d'une nana avec qui il est tous les jours, tout le temps. Il prenne. Arrête. Si, c'est vrai. C'est un truc qu'il a en tête. Arrête. Peut-être une collègue de taf. Moi, je pensais que c'était une collègue de boulot ou quoi que ce soit. Enfin, je me suis dit, ça se trouve cette marine. Ouais, peut-être qu'il fantasme sur elle. Tu me fais ça, mais moi, je bloque. Mais moi, c'est terminé, quoi. Je sais pas comment lui en parler. En fait, je sais pas si je dois lui en parler. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'a. Mais c'est normal. Tu veux que les mecs t'appellent ma petite salope, comme ça ils font pas de risque. Comme ça, il y a pas de problème. Bâton. C'est la vérité. Petite salope, tu l'as traitée petite salope. Mais c'est pas vrai, c'est elle qui nous le disait qu'elle aimait bien la dernière fois qu'on lui dise ça pendant l'acte. Bah alors, c'est pas moi. Moi je préférais qu'il me dise petite salope, qu'il m'appelle par le prénom. Excuse-moi, c'est juste la vérité. Elle nous l'a dit la dernière fois qu'elle aimait bien ça pendant l'amour. Ok, j'accepte. En même temps, qui crie les prénoms pendant l'amour? C'est dans les films, ça. Moi, une fois, j'ai crié ton nom, Guéguet. C'est vrai. Non, mais il l'a fait. Ah, merde, sacré. Moi, j'ai jamais crié. Hein. Tu t'es jamais trompé? Non, je Genre, même un surnom? Non, jamais. Ma puce, tu prends pas de risque. Mais déjà, je crie pas les prénoms, moi, quand je fais. Non, tu sais, elle est là, tu vas pas l'appeler. Ah oui, mais déjà, je connais pas son prénom la plupart du temps. Machine. Machine. Et d'ailleurs, machine. D'ailleurs, la nana, elle croit que c'est un cri de jouissance de Pierre, mais en fait, il cherche. Je t'aime. Mais c'est pas qu'il a crié, en fait il était en train de venir et il me parlait, il me disait des choses, il me disait ah oui vas-y jouis t'aimes ça. Après à un moment il me sort de la vaseline, Non, j'ai compris, il me sort de la vaseline, c'est Marine, d'accord, ouais. Maintenant je fais attention à tout. Hein. On en parle juste après Boosty ma chérie, d'accord, ne bouge pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à des gens de cette équipe aussi à part Guette qui crie guéguette, on en parle juste après, à tout de suite, on revient sur Énergie. Il est cool Boosty, il était notre invité. C'était lundi, c'était bien. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. C'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Coé, 19h-22h sur Énergie. Oh Marine. C'est horrible. Mais même moi en parlant, mais même pas en faisant l'amour, tu te trompes de prénom, ça me rend dingue. Moi ça m'est déjà arrivé, par contre ça te trompe de prénom. Bah voilà, c'est tout ça, je suis dingue, je suis en train de picoter. C'est une insulte. Arrête Julie, quand tu parles, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Tu m'appelles d'un prénom d'une nana que je déteste. Alors là... Une fois j'avais présenté la fille avec qui j'étais à des amis en donnant le prénom de mon ex. Elle est partie direct. Ah voilà, ça c'est le genre de plan. C'est pas bien ça. Et alors le pire c'est quand des fois tu te souviens, moi le problème que j'ai, c'est pas des questions d'ex ou des machins, c'est que des fois tu oublies Moi, je ne retiens pas les prénoms des gens. Et tu oublies les prénoms de la personne avec qui tu bois un verre. Des fois, j'ai des rendez-vous de boulot, des rendez-vous de... Tu bois un verre. Et tu vois, et là, t'as quelqu'un qui arrive et qui se présente. Et toi, t'es là, tu dis, putain, je ne connais pas le prénom. Bon, Pierre, ça lui arrive tous les jours. Et quand tu dois présenter quelqu'un à quelqu'un et que tu connais pas le prénom de la personne que tu dois présenter. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais t'as raison, redis comme ça, c'est bien aussi. C'est mais tu le laisses se présenter tout seul. Tu vas la capter que la deuxième, pour le coup. Non, mais c'est vrai que c'est flippant. Dans ce cas-là, la grande technique que j'ai, c'est bon. Je vous laisse faire la présentation. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, tu prends ton téléphone. Moi, c'est ma technique que j'ai. Je prends mon téléphone. Je vous laisse faire la présentation. Voilà. Et là, t'entends les prénoms et tu fais ah, c'est ça, c'est vrai. Oh, c'est horrible. Moi, c'est le bon plan. Moi, je retiens les visages des gens que je croise, mais jamais les prénoms. Moi aussi, j'ai un peu du mal. Moi, les chattes. Mes piètes. Bâton. Je me demande si on va pas arriver à 10. Hein. Mais là, combien on est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, demain soir. Ah, tu vas être belle. Demain, mon Pietre. On y vit demain. Hey. Les dessous. Ah non, vas-y. Ah oui. Si, la totale. Tu vois tout ce que tu fais fantasmer chez une fille. Jupe. Tu vas le porter. Lingerie. Talon et tout. Et ça a encore sonné sur un téléphone et personne ne sait d'où ça vient. Si, il y a la sonnerie. Foutez de ma gueule, ça vient de là-bas. C'est qui? Moi, je pense que c'est Guillaume, j'ai entendu derrière moi. Non, c'est là-bas. Non, toi, t'as pas de chance. Je l'entends là-bas. Ça vient d'ici, moi. Pour moi, c'est psycho. Non, mais c'est par là. C'est non, psycho. Mais ça vient chez vous. C'est psycho, c'est obligé. Là-bas. Mais moi, je l'entends là-bas, moi. Arrêtez avec cette histoire, je deviens dingue. Ah, c'est vrai qu'on l'entend. Tu devrais savoir d'où ça vient. Et ça vient d'ici, là. Il y a psycho, là. Tout le temps, il est en train de. Monte ton téléphone. T'as eu une notif ou un truc comme ça? Non, ça m'énerve. Appuie dessus. Ça m'énerve, ça m'en. Il y a une notif. Il y a une notif encore. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le public. Ça me rend dingue. Parce que ça l'a fait hier. C'était pas le même public. Je vais devenir fou avec cette histoire de sonnerie. Pietre, demain, tu t'habilles en femme. Oh là. Je veux du maquillage, je veux du rasage, tu te rases. Ouais. T'es en femme demain. Avec, il se rase et tout. Avec des dessous. En femme sexy ou. En femme dégueulasse. En femme qui veut être sexy mais qui est dégueulasse. Sexy, dégueulasse. Mais sexy, oui, mais c'est piètre. Ça va à un moment donné. On va le maquiller. C'est horrible et tout, en fait, la semaine. Et à la fin, mais on savait que ça allait à la fin de l'émission. J'ai un petit endroit pas loin de chez moi où je pense que je peux te déposer. Tu peux faire un peu de blé. Je pense que tu peux faire un petit peu de blé. Si tu te démerdes bien, tu peux prendre 40 euros. Je pense que demain, nous finirons l'émission comme ça. J'ai déjà la petite idée de l'émission de demain. Ne la ratez pas, ça va être énorme. Vanessa, on te fait un gros bisou, ma chérie. C'est moche ce qui est arrivé. C'est moche. Mais c'est des fois, les hommes, ils font pas attention. Il se mettra en marine, du coup, le piètre comme ça. Je vais avoir une image d'elle dégueulasse. Ah oui, c'est pas idiot. Bon, je te fais un gros bisou. Je serais bonne. Bisous, ma chérie. Merci. Je t'embrasse fort, kiffe bien. Reste avec nous sur Énergie. En train de chercher d'où vient ce bruit, mais. C'est énervant. Ça nous rend dingue. Je vais travailler sans casque. Je vous préviens, je vais travailler sans casque. Tant pis, j'écouterai plus les auditeurs, mais je veux savoir ce qui sonne. A tout de suite, on revient. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Julien de Charvieux-Chavagneux dans l'Isère. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Hey, 1 536 € x 2. Ton salaire, ça va faire maintenant 3 072 €. Je le double. Nickel. Merci beaucoup, l'équipe. C'est gentil. Merci beaucoup. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Bien. Faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 € par mois. Et 0 € par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Vous êtes invité par Énergie. À la Énergie Live Session de Shawn Mendes. Shawn Mendes. Shawn Mendes. En concert privé Énergie. Le 21 octobre au Flow à Paris. Oh là là. Gagnez maintenant vos invitations pour ce concert unique. Sur énergie.fr. Énergie. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, Dance.

Non, on m'a déjà dit, ouais, on m'a déjà dit de Djibril Cissé. C'est une femme qui est chez le gynécologue, belle femme. Tu peux me dire, c'est une femme qui est chez le gynécologue, vas-y. Mais non, arrête. Si, si, si. Juste pour voir, c'est une femme. La meuf, elle est chez le gynéco. Elle ressemble pas du tout, aucun rapport. C'est vrai, grave, t'as raison. Bienvenue en tout cas, mademoiselle, je veux les prénoms de tout le monde. Bonjour. Bonjour Audrey, comment allez-vous? Oui, très bien. Audrey, vous affichez un petit décolleté quand même, Audrey, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Hey, c'est bon pour le marketing. Hey, ça, mais matez pas, là, c'est notre girl, ok? Eh ben, votre girl est très jolie. Range-moi ça, Audrey. Ah ouais, elle est ouf. Je savais pas, j'avais même pas vu qu'elle avait fait ça. Non, bah, c'est très beau, c'est pour la vidéo. Ah, c'est très joli, c'est sexy, c'est très bien, on ne voit rien. Jeune homme à côté. Oui, alors bonjour, moi c'est Martin Luther B.B. King. Salut, Martin Luther. Pasteurisé au sein des Nine Inhibitors. Voilà. Martin Luther B.B. King. Exactement. C'est fabuleux ça, le mélange de mecs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, c'est ça. Ah, c'est fantastique. Et enfin Eurobedix, homme machine avec du cœur. Alors, on va se poser. Donc, j'adore, moi, la création du groupe, on va se finir en chanson tous ensemble. Oui, hein, oui. Avec la chanson que vous entendez chez nous et qu'on kiffe. La rencontre, en deux mots, comment vous vous êtes retrouvés à part dans on le même délire. On était des potes du lycée qui ne s'aimaient pas trop. Parce qu'on avait des styles vestimentaires différents et on a appris à s'aimer au cours d'un stage chez Bricorama, sans citer de marque. Stage d'observation. Hein. Voilà. D'où le constat. Voilà. Ouais, Eurobedix, voilà. C'était à la découpe de bois. Martine au rayon peinture. Et pouf, on y va, on fait un groupe de musique. Ouais, c'est bien. Ouais, écoutez, vous savez quoi? Ça fait partie de ces belles histoires. Merci, c'est ça qui est bien. Vous irez les voir chez vous parce qu'ils vont passer à Rennes. Le 13, là, dans quelques jours. Ensuite, à Castres, c'est ça? Le 14. Ouais. À Cigale, à Paris, ils y seront le 20 octobre. Ouais, c'est complet, octobre. C'est mort, on file aucune invite supplémentaire. Oh, les gars, arrêtez de vous la raconter. Je suis content pour vous. Ensuite, au Fort de Tourneville, au Havre. Ensuite, au Doc à Marseille. Tourcoing, dans le Nord, grand mix. À Ramonville-Saint-Agne, en France. Bon, le Bikini, je crois que c'est connu, mais je ne sais pas Ramonville. Ouais, c'est classe. Ensuite, Lyon. Ensuite, le Tuff Festival. Ensuite, l'espace Michel Berger à Sannois. Claque, hein, l'espace tu Michel connais, Berger. Ça, ah oui, t'as pas fait un truc non, là-bas. J'en ai fait des villes, mais ça, j'ai pas encore fait. La Lune des Pirates à Amiens. Ensuite, Massy. Ensuite, Villeneuve-la-Garenne. Et retour à l'Olympia à Paris. Ah, bien. Le 22 mars. Ouais, c'est complet, cherchez. Ah, non, c'est non, pas du tout. Non, mais ça va être complet assez vite. Faites-nous. Alors, on va finir avec vous. Et vous donnez tout. Le public derrière, vous donnez tout. Vous aimez bien que le public applaudisse ou pas? Grave. Vous aimez bien que. D'accord. Parce même que s'ils sont pas en rythme, faut danser, même les gars. S'ils aiment pas. Même s'ils aiment pas, applaudissez et kiffez, quoi. D'accord. Et eh ben alors, faites du bruit pour eux. Vous les kiffez sur Énergie. Voici Naïve New Beaters en live. Solo. Could they hurt me? Gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. I had a dream. It was melting like a sea castle in the wind. You couldn't focus. Running way too hard just to keep the tonus. We're not born like a boy.